à la croix pour moi. Il souffrit à la croix pour moi. Il souffrit à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Il souffrit à la croix pour moi. Il cria à la croix pour moi. Il cria à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Il cria à la croix pour moi. Il mourut à la croix pour moi. Il mourut à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Il mourut à la croix pour moi. Condamné à la croix pour moi. Condamné à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Condamné à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Rejeté à la croix pour moi. Rejeté à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Rejeté à la croix pour moi. Il y a de quoi bien aimer frère de se prosterner. Et rendre grâce à Dieu notre Père pour ce sacrifice merveilleux qu'il a réalisé. Rejeté, insulté, humilié. Il ne s'est pas découragé à cause de ce qu'il nous regardait. Il nous regardait dans son amour. Il disait: si je ne le fais pas, qui fera cela pour eux? Personne. Il a accepté l'ignominie, les injures. On crache dessus, il ne dit rien. On le questionne, on l'arrache, on lui demande de prophétiser, on le traîne par terre. On porte ce fardeau, on met sur son épaule. Il ne se décourage point. Il y a de quoi dire merci. Et en retour, nous n'avons rien fait pour mériter cela. Aucun de nous n'a été digne que le Seigneur meure à la croix, à Golgotha. Pour nous, aucun de nous n'a été digne, bien-aimés frères. Nous chantons aujourd'hui ce cantique en célébrant son grand nom, avec joie, mais on devrait le chanter avec les larmes, avec le cœur brisé, en se mettant à sa position. Être rejeté, regardez comment est rejeté le roi des rois. Regardez son état, pourquoi il souffre. Lui qui n'a point commis de péché. Pourquoi il porte ce fardeau? Lui qui n'a rien fait de mauvais. Il nous regardait bien, mes frères. Il y a de quoi le rendre grâce. Ô Dieu du ciel et de la terre, qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Qui a pensé ce que tu penses? Qui voit ce que tu vois? Ô Dieu du ciel et de la terre, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous élevons la voix pour te rendre grâce et gloire. Pour te dire merci. Merci, ô Dieu, de ce que ton amour est profond. Ton amour est sans pareil. Elle est incomparable, Seigneur. Elle est plus large que toute largeur. Elle est plus profonde que la profondeur. Elle est plus tendre que la tendresse, Seigneur. Ton amour a surpassé toutes choses. Dieu du ciel et de la terre, tu as accepté nous délivrer. Ignorant, nous n'étions pas encore nés. Nous ne savons même pas que nous on devrait exister. Mais toi, tu nous regardais. Tu nous connaissais. Et tu as accepté souffrir pour nous. Afin de nous donner la liberté. Afin de nous donner la joie. Afin, ô Dieu, de restaurer la communion qu'il y a entre toi et nous aujourd'hui. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre cœur te dit merci, Père. Notre cœur te dit merci, ô Dieu du ciel et de la terre, pour ces merveilles. Et nous te supplions, tendre Père, de nous donner à toujours nous souvenir de ces souffrances, de cette peine, de ce fardeau que tu as porté. Toi qui n'as pas commis de péché, mais tu l'as porté pour nous. C'était nos péchés, Seigneur, que tu as porté, afin que nous vivions. C'était nos fardeaux. La condamnation, Seigneur, c'était sur nous. Mais tu l'as pris sur toi. Tu étais condamné pour nous délivrer, pour nous libérer. Cette liberté que nous ne sommes pas dignes de recevoir. Mais ton amour a parlé en notre faveur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Dieu du ciel et de la terre pour cette grâce immense, pour cet amour profond, pour cet amour sans pareil que tu as fait, resplendir à la croix à Golgotha en notre faveur. Père, en ce jour que tu as suscité ce cantique dans nos cœurs, nous nous prosternons au devant de toi Seigneur et nous crions gloire à ton Saint-Nom. Nous disons gloire et honneur à ton Saint-Nom Père, gloire et honneur à ton Saint et merveilleux nom, car seul, tu as fait ce qui est au-dessus de notre compréhension, au-dessus, ô Dieu, de tout langage, de toute parole, de toute intelligence, de toute sagesse. Ton amour, cet amour merveilleux, cet amour glorieux, cet amour sans pareil, a parlé en notre faveur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours les regards fixés à la croix à Golgotha. Donne-nous à comprendre que ton amour était immense, que oui, nous avons fait des péchés énormes. Nous avons transgressé ta loi. Nous avons abandonné tes voies. Mais ton amour de Père, ton amour du Créateur, ton amour du Sauveur a parlé. Et tu nous as rachetés. Donne-nous, Seigneur, à te suivre de toutes nos forces, à avoir toujours les regards fixés à la croix à Golgotha. Et accepter, Seigneur, souffrir aussi pour toi. Accepter, Seigneur, des injures aussi comme tu l'as accepté pour nous. Accepter les peines et les moqueries, Seigneur, mais que nous restons avec toi. Car ton amour, Seigneur, nous a gardés. Ton amour a parlé en notre faveur et cet amour demeure éternellement avec nous. Donne-nous, Seigneur, à toujours t'aimer. T'aimer de jour en jour, croître dans ta connaissance, Seigneur. Oui, avoir les regards fixés sur toi, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il y a encore un cantique, bien-aimé, chantons. Noir se levait le jour, le Seigneur à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, tu écoutes sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre les eaux, Père, le Seigneur est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Dieu Seigneur, c'est la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon ta promesse, le Seigneur changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Ton nom est merveilleux, Père. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est digne de louange et d'adoration. Ton nom est digne, ô Seigneur, d'être honoré, d'être exalté, Seigneur. Ton nom est digne d'être glorifié. Ton nom est digne, ô Seigneur, d'être le sujet de nos louanges. Ton nom est digne d'être le sujet de notre partage. Car seul tu es notre couronne, tu es notre appui, tu es notre trésor à nous, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Nous pensons à tes offres, ô Dieu, notre âme t'exalte. Nous pensons à tes offres, ô Père. Notre esprit t'adore et rend témoignage, Seigneur, que tu es l'unique. Tu es l'unique et le véritable, seul qui est digne de tout honneur, toute gloire. Seul qui est digne, ô Seigneur, d'être adoré, d'être exalté, Père. Reçois l'exaltation, Père. Reçois nos louanges, Père. Reçois nos louanges, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Reçois nos prières de reconnaissance, Seigneur. Reçois nos actions de grâce, Père. Et que cela puisse réjouir ton cœur, Dieu du ciel et de la terre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est ton amour qui nous donne le privilège, Seigneur, de nous prosterner et de t'adorer. C'est à cause de ton amour, Seigneur, que nous pouvons t'exalter, te célébrer de tout notre cœur. Ah, tu as fait pour nous des choses merveilleuses. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Père. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le nom du Seigneur Jésus est doux. Chantons au nom de notre Seigneur. Le nom du Seigneur est si doux de Dieu, des amants le courant. Il nous appelleront de vous précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Salut, si est un son divin précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, à lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai sûr comme si dans le mal je suis tombé. Son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Oh, Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Hélas, qu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors, sans fin je redirai précieux nom de Jésus. Jésus, béni sois. ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur, ton nom seul est majestueux. Merci. Ton nom seul est digne d'être honoré. Voilà pourquoi ce soir encore, ton peuple se prosterne dans cette maison ici à Bafoussam. Merci Seigneur de nous avoir donné la grâce de pouvoir nous prosterner devant de toi. Parce que certains ont de l'orgueil sur le cœur et qui ne savent même pas que tu es un grand Dieu, dont tu es digne de toutes les lois et de tout l'honneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de connaître que ce nom, le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ a été manifesté pour nous. Car il est écrit qu'il n'y en a point d'autre nom sous le soleil qui a été donné parmi lequel on doit te sauver. Amen. Merci pour la grâce que tu nous accordes de connaître ce nom. Okay. Seigneur, ce nom est si doux. Ce nom réjouit nos cœurs. Amen. Maintenant, nos cœurs exaltent ton nom, ô Dieu. Alors que tu te tiens en présence dans cette salle comme tu l'as fait hier. Dieu, merci pour ta puissance que tu dégages en ces lieux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Merci pour l'autorité que tu nous as accordée dans ce nom. Parce que tu nous as donné, ô Dieu de gloire, de battre les puissances de l'adversité avec ce nom. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu donnes à mon frère, à ma soeur, de tenir ferme dans ce nom pour marcher par la foi, derrière l'autorité y afférente. Merci, Dieu du ciel. Merci, ô Père, pour tous ceux de cette ville, ceux qui, ô Dieu, t'invoquent de tout leur cœur, de toutes leurs forces et t'échappent de toute leur âme. Nous prions, ô Dieu de gloire, pour ceux-là, pour ceux de nos frères dans cette ville, dans la ville d'alentour et pour tous ceux dans le monde entier qui te craignent, Seigneur, et qui craignent ton nom. Car tu as dit dans ta parole que le nom du Seigneur Jésus-Christ est une tour forte et le juste s'y réfugie se trouve en sûreté. Voilà pourquoi nous nous réfugions, Père, tous ceux qui de cette maison et ceux qui entrent et ceux qui sortent. Nous nous réfugions tous dans le précieux, le divin nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous d'honorer ton nom, de ne point prononcer ton nom en vain et de ne point amener ton nom, ô Dieu de gloire, dans l'opprobre. Donne-nous, ô Dieu, de vivre dans cette vie si sans tâche ni ride jusqu'à ce que tu te manifestes, Seigneur Jésus. Donne à mon frère, à ma soeur, à mon propre cœur d'être droit au-devant de toi, car tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Pour ceux qui sont ici, Père, dont le cœur n'était pas droit et profond dans ton amour, daigne incliner un regard miséricordieux. Seigneur, c'est toi qui as incliné le cœur et ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et elle a été sauvée par ta grâce. Fais de même ce soir, Père de gloire, incline nos cœurs vers ton écoute et puisse ton esprit nous parler encore ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta visitation d'hier. Nous témoignons de ta présence, Seigneur, parce que nous t'avons vu à l'œuvre et tu t'es présenté dans cette salle-ci. Et nous savions, ô Dieu de gloire, que tu as couvert cet endroit par ta puissance et par ta nuée. Merci parce que tu es, ô Dieu de gloire, au milieu des louanges de ton peuple. Tu viens, Père, pour nous enseigner tes préceptes. Merci de nous donner, ô Dieu de gloire, cette grâce. Ô Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Père de gloire, pour ta présence encore en ce soir. Nous te remercions énormément pour cela. Merci parce que notre cœur est en joie lorsque nous chantons ce cantique. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est sur nous. Ce nom doux qui nous a été donné pour chanter à la louange de ta gloire. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit adoré. Que ton nom seul soit digne de louange, magnifié et exalté dans nos lèvres dès maintenant et à jamais. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient manifestées et magnifiées encore ce soir. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Que notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Je vous pose la même question que je vous posais l'autre jour. Pensez-vous et croyez-vous qu'il est ici au milieu de nous? Hier dans la soirée, nous avons travaillé comme si de rien n'était. De 22h à... C'était 2h. 2h, 3h. Vous pensez que qui était dans la salle pour faire ces choses, pour vous toucher, alors qu'il n'y avait pas de prière? Vous pensez que qui marchait au devant de nous? Vous pensez que qui vous a touché? Vous qui l'avez, vous avez senti sa présence? Vous qui avez vu sa nuée se déplacer, vu physiquement sa nuée se déplacer ici? Vous pensez que qui était à l'œuvre? Est-ce un être humain? Ça n'a rien à voir avec le frère Junior ni avec quiconque. Il s'agit du Seigneur de confirmer sa parole. Il s'agit de lui, pas d'un être humain. De mes propres capacités, je ne sais pas comment on produit des nuées. Sur les estrades, on voit les gens faire des musiques. Ils pulvérisent les nuées par derrière pour que ça se place. D'accord, frère? Jésus-Christ de Nazareth, le grand Dieu et Sauveur, se trouve présent dans cette salle. Il se trouve présent dans cette salle. Vous dites, il est aussi, il est assis à la droite de Dieu, il est revenu dans l'enlèvement. Mais il est venu à Jean, pas vrai? Il est venu à Jean. Vous dites, c'est quand il va venir dans l'enlèvement, s'il vient ici, il y a qui autre? La Bible déclare les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vous savez cela? La Bible déclare que celui qui est descendu, celui qui est monté, afin de remplir tout en tous. Vous savez cela? N'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il est au milieu de nous. Puisse-t-il en être ainsi? Puisse-t-il se montrer encore ce soir? Puisse-t-il se montrer à quelqu'un ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient multipliées maintenant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Yeah. Yeah. Tu es mon papa. Seigneur, nous t'aimons. Père, nous te célébrons. Notre cœur vibre au-devant de toi, au rythme de ton amour. Notre âme t'adore, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, nous savons avec certitude que tu es au milieu de nous. Merci pour la puissante visitation. Merci pour ta manifestation d'hier. Et les jours se suivent avec toi et ne se ressemblent point. Merci parce que tu touches chacun de nous et nous savons que tu es là. Merci parce que tu touches les cœurs et nous savons que tu es là. Merci parce que tu te tiens dans cette salle. Merci parce qu'il t'a plu, ô Dieu de gloire, d'ouvrir les cieux sur cette maison. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu entends les chants, les cris de cœur, les louanges venant des lèvres, ô Dieu de gloire, et des cœurs qui t'aiment. Merci Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. C'est toi qui nous as amenés à la louange de ta gloire. C'est toi qui nous amène à toi. Merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis. Que ton nom seul soit élevé, magnifié et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Nous verrons nos voix pour t'adorer. Seulement sa gloire. Oh, Dieu, laisse-le maintenant communiquer à ton cœur lui-même. Reste dans le silence devant ce grand Dieu qui est souverain. Laissons notre cœur à lui maintenant. Ce grand Dieu que nous avons chanté, qu'il est souverain et qui se trouve dans notre milieu maintenant par son esprit. Contemplons-le dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Devant toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Thank you. que ton nom soit constamment sur les lèvres, même dans notre bouche. Que lorsque nous dormions, Seigneur, que notre esprit t'exalte. Car au réveil, pour te voir, que nos louanges soient toujours sur nos bouches, pour chanter ta louange. Pour chanter ton nom, Seigneur, parce que ton nom est grand. M'éveiller et puissant. Merci au Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir de te connaître. Merci au Père de gloire parce que tu nous enveloppes au-dedans et en dehors par ta puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Père. Merci pour ton peuple que tu touches. Merci pour le cœur que tu restaures. Merci au Seigneur. Merci parce que nous sommes d'ici ce soir, nous ne serons plus rien. Merci Seigneur parce que la transformation a lieu. Merci parce que nous voyons toutes choses nouvelles et nouvelles en Christ Jésus. Merci Seigneur parce que nous marcherons maintenant désormais dans la confiance des fils et des filles de Dieu vivant. Merci Seigneur, que ton nom se soit exalté au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée. Amen. Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Amen. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que quand il se manifeste, il marche au-devant de nous, il marche au milieu de nous, et vous le voyez là-bas, la nuit s'est positionnée comme hier. Pourquoi il le fait? Comme le frère a posé la question, pourquoi il le fait? Le Seigneur veut prendre son peuple en main. Souvenez-vous, dans le désert, il conduisait le peuple la nuit par la colonne de feu, le jour par la colonne des nuées. Donc il veut prendre la direction comme il a dit. Dans Apocalypse chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amis, récapitule, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc nous allons travailler ce soir, Dieu voulant. Puisque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu glorieux, et que nous parlons de lui, il y a plusieurs indications dans la Bible, plusieurs choses qu'il a dit dans la Bible. Non, prenons les Saintes Écritures d'abord. Lisons quelques passages avant d'aborder. 2 Corinthiens chapitre 11 d'abord. 2 Corinthiens chapitre 11. On y va. Donc nous allons toucher un sujet qui a trait à voir avec toute l'adoration dont nous lui avons donné maintenant. D'accord. Lisons d'abord le 2 Corinthiens chapitre 11. Lisons à partir du verset 4. Verset 4. Regardez bien. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Ce verset, prophétiquement, est en train de nous dire qu'il y aura trois choses qui seront manifestées. Un, il y aura un autre évangile. Et cet évangile va conduire à un autre esprit. Et on sera en train de présenter dans cet évangile une autre personne. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'il y a des hommes qui sont érigés et ils sont appelés Jésus. Ils sont nombreux. En Australie, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il dit qu'il y a cela 2000 ans, il était sur la terre. Il est venu continuer son enseignement. Il avait une femme qu'on appelle Marie de Magdala. C'est parce que vous avez entendu parler de lui. En Amérique, ils sont en plein. Il y a d'autres même qui disent que The Second Coming of Christ, la deuxième venue de Jésus, est déjà là. Les gens croient que ça va venir. Il fait que les gens prennent la marque de la bête. 666, on t'a tout ça sur les gens. Si vous ne savez pas cela, après ceci, vous mettez la dose, vous allez le voir là-dedans. Un autre en Philippines, il prêche en disant que c'est lui. Ils sont nombreux comme ça. Ils disent clairement qu'ils sont Jésus. Il y a l'autre en Sibérie, alors il a tout un hectare avec plus de 5000 fidèles. Il marche toujours en place. C'est un ancien policier. Il séduit les gens dans le monde entier. Les gens viennent là-bas. Il est tellement docile. Il donne des enseignements simples en disant que là, c'est 2000 ans, il était sur la terre. Curieusement, tous sont sur la terre au même moment. Et chacun voit à la télévision comment l'autre dit qu'il est Jésus. Je ne sais pas quand l'autre dit voir, l'autre dit qu'il est Jésus, c'est qu'il sent dans son corps. Ou bien il appelle celui-là le faux. Ceci donc nous devons nous poser la question. Ils disent, malgré qu'ils lisent, parce que c'est parti de la Bible pour expliquer comme ils peuvent expliquer. La Bible a dit qu'il y aura un autre évangile. Nous voyons l'évangile de prospérité aujourd'hui qui est à Gogo. Et les esprits s'y manifestent. La Bible nous dit ici que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, parce qu'on prêche, c'est la personne de Jésus qu'on est censé prêcher. Il dit si on prêche un autre Jésus, vous allez recevoir un autre esprit, car ce sera un autre évangile. Amen. Amen. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous le célébrons de toutes nos louanges. Il faut que nous sachions qui nous sommes en train de célébrer. Parce que si peut-être si ces gens-là entendent nos louanges, ils vont croire que c'est à eux qu'on est en train de s'adresser. Non, que non. Nous nous adressons au Dieu vivant et vrai qui s'est manifesté dans la personne de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Restons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire quelques versets pour mettre la fondation. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire, je ne sais pas si ma version si est prête ici. Bon, ça c'est la version anglaise. On va lire ça quand le moment vient. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je commence. Vous y êtes, frère? Je vous rappelle, donc, à partir du verset 1. Donc, soyez prêts à noter, parce que ça va aller dans tout le sens là bientôt. Je vous rappelle, frère. C'est ça? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Vous voyez? Oh là, ça va pas de là. Regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? Il dit que si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, ou bien que vous recevez un autre esprit, ou bien que vous embrassez un autre évangile, vous le recevrez bien. Donc, il a de prévoir qu'il y a des gens qui vont venir annoncer un autre Jésus, les gens vont recevoir un autre esprit en embrassant un autre évangile. Voilà pourquoi les gens vont dire, ne peut pas, comme on a dit à la radio depuis, que les gens sont en train de s'éloigner de l'évangile, mais on ne va pas voir le mal à cela. Là, c'est prophétisé comme ça. Plusieurs fois dans la Bible, a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que plusieurs vont venir en ce jour-là, on dit que le Christ est ici. Et justement, c'est là. Il est ici en Sibérie, les gens se déplacent de l'Allemagne pour y aller. Il est en Amérique, les gens y vont. Vous voyez ce qu'il en est? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'avertissement. Mais l'apôtre Paul ici dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, vous y êtes, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous voyez, l'annonce de l'évangile a fait de sorte que les gens soient sauvés. L'annonce de l'évangile. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc on peut croire alors qu'on n'a pas cru. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Souvenez-vous de Galates. J'ai dit, ça va aller dans tout ça. Comme je vais développer là, les versets vont sortir comme ça. Il dit, souvenez-vous dans Galates chapitre 1, les versets 11 à 16. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi. Je n'ai ni appris d'un homme, ni reçu d'une école de théologie, d'une brigade de fous là. Il dit, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'il en a dit là, il a dit qu'il a reçu par révélation. Donc, il n'a pas appris ça d'un homme. Il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Que, c'est la chose qu'il a enseigné, parce qu'il a reçu la même chose. On est d'accord? Que Christ est mort pour nos péchés. Vous y êtes? Selon les Écritures. Donc, d'après les Écritures, il est censé mourir pour nos péchés. Et lorsque nous lisons Esaïe chapitre 53, c'est exactement le contenu. Il a été brisé pour nos péchés, n'est-ce pas? Brisé, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Passe par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est ce qui est écrit dans Esaïe chapitre 53, le concernant Yeshua. C'est ça? Alors, l'apôtre Paul nous dit ici que c'est la même chose qu'il a reçue. Et c'est selon les Écritures, il est censé venir pour mourir pour le péché. Selon les Écritures. Et verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Souligné. Le verset 4, le verset 3 et 4. Vous y êtes? Voilà. Donc, nous allons identifier le Jésus-Christ ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on identifie ce Jésus. Parce que c'est Jésus, c'est celui dont nous servons, c'est celui qui est censé être connu dans les Écritures, dont les Écritures ont prévu. Ce n'est pas n'importe quel Jésus pour qui nous chantons. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe quel Jésus que nous servons. Nous devrions. L'humanité, ceux qui suivent la Bible, doivent savoir clairement quel Jésus présente. Si vous avez suivi le débat que j'ai eu avec les témoins de Jéhovah, vous avez remarqué que on a attaqué un nouveau de nous avec les clous de la crucifixion. Que Christ est-il mort sur le poteau ou bien sur la croix? Si vous avez suivi cela, alors ils disent qu'ils sont dans la vérité. Alors il faut qu'on vérifie. Je leur ai dit, il faut que je vérifie si l'élément de la croix que vous en êtes présenté ou bien de la personne qui est morte sur votre poteau est la personne dont la Bible parle. Alors je vais dans leur propre Bible pour montrer qu'ils ont tort parce que leur Bible présente que Christ est mort comme ça avec les mains horizontales. Mais ils dessinent sur leur dans tous les documents qu'il est mort comme ça. Et dans leur Bible, ça se présente exactement que Christ ne peut pas être mort comme ça. Alors, si il y a quelque chose qui ne va pas avec la mort, il ne s'agit pas du même Jésus. Parce que les éléments doivent être placés à chacune des places, telles que prévues. La Bible déclare dans leur livre, comme dans tous les autres livres, c'est pour ça que même si Satan va faire n'importe quoi, il ne peut pas pervertir totalement. La vérité va toujours rester. Ils ont oublié Ésaïe chapitre 9, verset 5, là-bas dans la Bible, en occupant Dieu avec grand nez. Et c'est le Fils là-bas dont on en parle. On dit qu'il sera appelé Dieu puissant. Dieu avec grand nez. Dans le Nouveau Testament, il met Dieu, il le met avec petit dé. Donc quelqu'un initialement qui écrit avec grand nez, c'est plutôt dans le Nouveau Testament avec petit dé. Parce qu'il ne veut pas admettre sa divinité. Ça montre donc qu'il y a confusion. Alors dans le livre de Jean, chapitre 19, de leur livre, c'est écrit clairement que Thomas a dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains. Or, lorsqu'on voit les photos, c'est comme ça. C'est un seul clou qui est dans ses mains. Thomas, qui est un témoin oculaire, a vu des clous transpercer ses mains. La seule et unique façon, c'est qu'il y ait un clou ici. Il y a un clou ici. Et on ne peut pas l'avoir cloué comme ça. Ce n'est que comme ça. Et par conséquent, c'est sur une croix. Et la Bible déclare donc qu'il y en a qui marchent en ennemi de la croix du Seigneur Jésus. Donc, ils vont avoir l'accès. Ils vont axer leur prédication et tourner autour pour essayer de rendre la croix du Seigneur Jésus et la mort désuète. Nous devons faire donc attention pour savoir quel Dieu nous servons, quel Jésus nous adore. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que cet élément autour de la résolution, nous devons l'observer. Vous êtes d'accord avec moi, frère? Donc il dit ici, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est selon les Écritures. Donc, il faut qu'on voie, si on parle dans les Écritures, parce que quand la première fois qu'on a écrit, il n'y a pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien. Donc, il a cité l'Ancien Testament en disant que, selon les Écritures, il est censé mourir pour nos péchés. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, Christ est mort. Le but de la mort, c'est pour nos péchés. Après la mort, il n'a pas été dissous. Il est allé dans la tombe, enseveli. Puis, on dit qu'il est ressuscité. On a donné le nombre de jours dont il a passé. Selon les Écritures, ça doit être conforme. C'est ce Jésus-Christ ici qui a payé pour l'humanité, qui a payé pour le péché. Il n'y a pas un autre Jésus. On est d'accord? C'est pour cela qu'il faut qu'on examine ces éléments-là. Pour que, lorsque un Jésus t'est présenté, que tu n'embrasses pas n'importe quel Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens sur Internet qui disent que Jésus-Christ était noir. Ils disent que le vrai peuple juif sont des noirs. Ils disent que le peuple bantou sont l'origine des. Sont les vrais juifs. Ils veulent renverser dans l'évangile. Ils disent que la Bible que nous avons aujourd'hui sont les copies des anciens écrits des Noirs. L'autre se targue même du deuxième nez que Christ est le premier et le deuxième nez pour le finir. En dehors de lui, il n'y a personne sur la terre qui a la loi. Voilà où on se trouve l'apostasie. Donc il est important, frère, que nous examinions ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Avançons dans la lecture. Verset 4, 5. Et qu'il est apparu à Cephas, puis au 11, au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, et maintenant c'est apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, verset 11, vous devez souligner cela, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc vous voyez très bien que si ces gens ont cru ici et ont été sauvés, il n'y a pas deux façons. C'est la même chose qu'on doit croire pour être sauvé. Souvenez-vous de Éphésiens chapitre 1, verset 1, 11 à 13. L'évangile de votre salut. Vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Plusieurs personnes donc sont dans la religion dehors et ça dérange parce qu'il n'y a pas sa manifestation, parce que ce n'est pas la personne qui est prêchée. C'est pour cela que s'il doit y avoir restauration des doctrines, c'est tous les compartiments qui doivent être restaurés. Parce que l'évangile doit être prêché tel que c'était prêché avant. Tous les compartiments doivent être faits. Déjà, il faut que nous amenons au niveau de la compréhension du fait qu'il y a confusion entre les Jésus qu'on prêche dehors. Vous allez dans certaines personnes, dans certaines maisons, même chez les pasteurs, ils ont une grosse photo de Jésus-Christ qui est blanc, bien beau là, aligné là, bien beau. Qui a levé la main comme ça, comme un franc-maçon, vous savez clairement ce que ça veut dire, le huitrement. En lettres juives, vous savez ce que ça veut dire. Bon, ici il dit, ainsi donc, verset 11, notez cela, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc, les apôtres auxquels le Seigneur Jésus-Christ avait choisi et s'est manifesté, n'avait pas des doctrines différentes. Il dit bien que si c'est que ce soit moi, que ce soit eux, voici ce que nous prêchons. Donc nous prêchons que selon les Écritures, Christ est censé mourir pour nos péchés. Selon les Écritures, il est censé être enseveli. Selon les Écritures, il est censé ressusciter le troisième jour. Notez bien, le troisième jour. Il ne doit pas ressusciter avant le troisième jour, ni après le troisième jour. Nous allons examiner toutes ces choses dans les Écritures. Donc il enseigne que s'il y a un Jésus qui est présenté, qui ne respecte pas ces conditions, il ne s'agit pas de Jésus de la Bible. Il va falloir que nous passions en revue tous ces versets-là. Sans exception. Vous êtes d'accord? Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Puisqu'il y avait des gens, on sait qu'il y avait le groupe des Sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Vous savez, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà le but. Voilà le but que Satan essaie de faire tout et tout pour mettre les chrétiens dans la froideur. Il veut prouver que Christ n'est pas ressuscité, ou bien troubler la notion de résurrection. Ou bien embrouiller pour que tu ne saches pas quel est le véritable Jésus. Vous êtes avec moi, mes chers? Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc, s'il arrive que ce n'est pas le vrai Christ qu'on a prêché de la résurrection des morts, et que d'autres personnes croient même que Christ n'est pas ressuscité des morts, comme par exemple dans le Coran au chapitre 2, de Sourate chapitre 2 du Coran, on dit clairement à partir du verset 150, 157, que Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas mort. C'était un faux semblant. Dieu a pris le visage de quelqu'un jeté, on a entrapé cette personne et il a amené à lui. Vous voyez effectivement que c'est une prédication antichrist, parce que la Bible déclare ici, le but justement c'est pour toucher effectivement cela. S'il y a une vraie religion antichrist, c'est la religion des musulmans. Parce que la Bible déclare que, et si Christ n'est pas ressuscité des morts, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. C'est pour ça qu'ils peuvent donc taguer cette tournée en voulant démontrer Jésus qui n'est pas mort. Parce que s'il ne va pas bien montrer comme ça, par conséquent, comme l'apôtre Paul va dire, nous demeurons dans nos péchés. Parce qu'il est censé mourir pour les péchés. Il faut qu'il construise des arguments et des thèmes autour de cela pour essayer de montrer que Dieu n'a pas besoin de ça pour verser le péché, essayer de détourner qu'on a changé la Bible et autres, d'abord que ce n'est pas ce que Jésus avait dit, ainsi de suite. C'est pour comme ça que Satan a construit au fil des temps. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas restés dans les Écritures. Les gens ont voulu aussi sortir hors des Écritures pour démontrer des choses. Ils sont tombés dans le territoire de Satan. Quand l'apôtre Paul dit ici, il ne dit pas selon les pensées humaines. Il dit que je vous ai dit ce que je vous ai enseigné, selon que moi aussi j'ai reçu, qu'il est mort selon les Écritures. Point final, c'est les Écritures qui le disent. Et c'est écrit dans Ésaïe 53, on peut en lire. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 53, nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 8, lorsque Philippe, l'évangile de Philippe, l'ange lui a demandé de s'approcher du char. Quand il lui a dit, la Bible déclare que c'est l'Éthiopien, lisez Ésaïe 53. C'est pas ça? Il a dit, le prophète parlait-il ici de lui? Ou bien de quelqu'un d'autre qui a été mené comme un brebis dans la boucherie et n'a point ouvert la bouche. Il a dit, partant de là, il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ça concerne Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. N'est-ce pas ça, frère? Amen. Avançons. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Donc, il avait dit que si les gens prêchent que Christ n'est pas ressuscité, alors, les gens qu'on a entendu dire que voici les témoins de la résurrection sont de témoigner un faux témoignage contre Dieu. Donc, ils sont de dire que Dieu l'a ressuscité le troisième jour, alors que c'est faux. Vous voyez? Il y a des musulmans qui me contentent, ils coupent souvent cela pour montrer que notre prédication est vaine. Ils laissent ce qu'il y a en haut, ils laissent ce qu'il y a en bas. C'est comme ça qu'ils font la tactique satanique. Ils coupent là-bas pour dire que dans la Bible, on dit que Christ n'est pas ressuscité. Alors que la pauvre voulait démontrer clairement qu'il est ressuscité en disant que si vous prenez cet argument, si c'est que ça ne va pas, il prend comme ça, il colle là. Avançons. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il prend ce verset, il dit que l'apôtre Paul a dit que Christ non plus n'est pas ressuscité. Que Paul a dit ça. Est-ce que l'apôtre Paul a voulu montrer l'authenticité des messages chrétiens? On avance, mes frères. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc, il est très important qu'on comprenne la notion. La croyance en la résurrection de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ implique automatiquement la compréhension du pourquoi nous sommes pardonnés et comment nous sommes pardonnés. Parce que s'il n'est pas mort, c'est clair dans ces Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Jean-Baptiste a dit de lui qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment il va-t-il enlever en versant son sang? Lui-même l'a dit de sa bouche, ainsi il est écrit que le Fils de l'homme va mourir le troisième jour et que le pardon du péché sera annoncé par son nom. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Donc, toutes les écritures autour de la personne de Jésus, notre Seigneur, concourt pour dire effectivement qu'il a vécu, qu'il est né d'une vierge, il a grandi sous Ponce Pilate, il a été arrêté, livré au sacrificateur et par la suite au païen, il a été crucifié, enseigné véritablement, et on a vu son tombeau, identifié avec qui il était crucifié, puis il est ressuscité le troisième jour, et il s'est montré à ses faces. Puis, à 500 personnes à la fois. Donc, 500 personnes. On n'a pas dit les personnes qui sortaient 500, étaient au même lieu. Donc, il a apparu à 500 personnes simultanément. Il faut qu'il soit Dieu pour être comme ça. Puis, on dit qu'après cela, il est apparu à Jacques, puis à d'autres frères qui sont encore vivants et d'autres dont ils sont morts. Et puis, il est apparu à l'apôtre Paul. Et nous voyons dans le chapitre 9 comment il est apparu à l'apôtre Paul. Et pas seulement cet instant-là. Il est apparu à l'apôtre Paul plusieurs fois en dehors de cela. N'est-ce pas, frère? Voilà, avançons. Donc le verset 17 dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. J'espère que vous me saisissez, que si nous, notre Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des pécheurs, au même titre que les autres. Donc il est important qu'on comprenne la notion de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On avance. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Puisque les gens avant nous ont cru à la même chose. C'est qu'ils ont cru comme ça en vain, pas vrai? Et or, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Christ Jésus. Car les œuvres les suivent, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire en réalité qu'il y a de l'espérance. À cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espérance. Il y a l'assurance que, comme il est ressuscité, comme Éphésiens chapitre 2, je ne sais pas si je vais vite. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'il est ressuscité avec nous et nous a amenés ensemble dans le lieu céleste. Parce qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, on fait tout pour nous couper, pour nous laisser dans la chair. Nous allons refuser cela et refuter cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 18, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, vous voyez, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est une certitude, c'est une affirmation fracassante. Mais maintenant, donc sachez que ça va être certitude. Comme Jean le dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13, que je vous écris ces choses. Dieu nous a donné la vie éternelle et que ça se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Voilà pourquoi les musulmans également écrivent que Dieu n'a pas besoin d'avoir un Fils. Parce que c'est en croyant dans le Fils que se trouve la vie. Et celui qui rejette le Fils, il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez ce qu'il en est? Maintenant, aujourd'hui, on trouve les compromis. Donc, vous voulez dire que tous les musulmans vont périr, mais Dieu s'en fout. Vous suivez ça? Parce qu'il a dit, c'est lui qui a le Fils. Comment pouvoir avoir la vie? Jésus a dit qu'il n'y a pas deux chemins. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. On dit, les gens disent que non, la Bible n'est pas juste la vérité. La Bible déclare, ta loi est parfaite. Ta loi est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il n'a pas dit, ta parole est une vérité. C'est la vérité. Et cette parole-là s'est fait chair, elle s'est manifestée. Et elle est encore venue réitérer la même chose que je suis la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui n'est pas opéré autrement que par moi. Il n'y a pas de père chez les musulmans en tant que Dieu. Il y a une divinité qui est tellement éloignée qu'il ne peut pas se rapprocher de la création. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors que notre Dieu nous fait appeler père pour montrer que nous sommes en commun. Donc, le christianisme, si on appelle ça ainsi, est venu mettre l'homme en relation avec Dieu. L'islamisme est venu mettre l'homme en soumission totale, en dictatorial avec Allah. Vous voyez? La soumission. On est éloigné. C'est la relation esclave-maître qui n'ont pas de relation. Ici, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, le Créateur et la créature sont entrés en contact pour être en harmonie. Amen. Donc, verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est pour ça que dans ces 1 Corinthiens, Colossiens chapitre 1, là, on dit qu'il est le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Alléluia. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous y êtes? Amen. Donc le décor est planté. On peut maintenant voir ces sujets. Question. Jésus-Christ est-il ressuscité le dimanche tel qu'on nous a présenté, que la religion nous a présenté? Nous allons prendre les faits, ce qu'on a toujours enseigné, et nous allons examiner à la lumière de la parole du Seigneur. À la lumière des récits bibliques, nous allons vérifier si oui ou non Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité ainsi. On est d'accord? Si vous voulez uriner rapidement, parce que quand on va toucher là, ça va aller vite. Thank you. chaleur maintenant qui vient sur moi. Donc frère Saint, Jésus-Christ est-il ressuscité dimanche? Tu ne sais pas. Donc tu savais que Jésus avait du coup. Tu chantais que je t'aime, Jésus, t'aime, c'était lequel parmi tout là? Jésus américain ou Jésus sibérien? Jésus qui est mort pour mes péchés. C'est eux qui est mort. Ils disent que c'est eux qui ont. Quand on est tourné celui-là, il dit que quand j'étais. Je me souviens quand il marchait en bord de Galilée à ça 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est celui qui a ton esprit. Hein? Mais ceux-là, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont vu effectivement qu'il est en chair, en esprit de parler. Et il est encore là physiquement. Tu vois que c'est nécessaire que nous voyons cela, n'est-ce pas? Nous allons voir ça dans la parole, on ne doit pas s'en éloigner. Donc nous allons comparer le Jésus moderne dont nous a présenté l'Empire romain et l'Église catholique face au Jésus-Christ de la Bible. Nous allons voir. Si vous êtes prêts, je vais avancer. Donc notez bien les références des versets que j'ai donné là. Parce que nous allons les exploiter. Nous allons les exploiter. Dès que vous avez prévu, c'est justement ok, j'avance. Vous savez que dans Acte chapitre 5, il y a un monsieur qu'on appelle Gamaliel. Gamaliel qui a donné un sanction lorsqu'on voulait taper les apôtres. Il a dit qu'il y a cela, et quelques temps, paru Thélas. 400 personnes ont suivi. Donc vous voyez que les gens qui suivent la foule n'ont pas commencé aujourd'hui. Même si quelqu'un sort et dit que le corps est Dieu, il y a des gens qui vont suivre, ils vont croire. La preuve, il y a des gens qui adorent la souris, non? D'autres qui ne mangent pas le bœuf parce qu'ils disent que c'est un Dieu, non? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'être humain? N'est-ce pas d'autres font le bois, ils mettent ça là, ils mettent la tête, ils versent lui sur sa tête et sur ça. N'est-ce pas d'autres vont devant le crâne de quelqu'un qui était mort, en mourant, il était malade sur la terre, pour mettre lui et parler que papa, je t'ai pas oublié. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Vous savez, Ecclésiastes chapitre 7, verset 29 dit que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont pris quoi? Beaucoup de détours. Beaucoup de détours. On a fait beaucoup de détours. Et c'est là où ça nous a entraîné comme ça. Donc, je crois que le frère Willy est en train d'arriver. J'espère que c'est bien Mathieu. Dans ce développement, si vous allez voir des choses fatidiques qui sont arrivées. Et c'est normal donc que cette erreur ait été glissée comme ça. C'est normal. Il dit bien, c'est normal qu'on ait glissé dans l'erreur. Vous allez voir que un seul verset va déclencher la chose. Parce qu'en réalité, quand nous interrogeons l'autre jour par rapport à cela, nous avons vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment remédier lorsque la Bible est en train de parler autrement? Vous voyez? Donc il y a un problème. Et ce problème, lorsque ça sera résolu, tous les autres problèmes vont se résoudre. Ma soeur, tu as sommeil. Okay. Avant cela, je ne sais pas si Willy puis y boire, puis encore. Avant cela, donc, je vais mettre certaines choses dans votre esprit pour que vous puissiez saisir. Dans la Bible se trouve une notion cachée. Mais c'est caché, mais c'est écrit. Quand il dit caché, ça veut dire que ce n'est pas que Dieu a fermé cela. C'est écrit noir et blanc. Mais il faut comprendre cela pour comprendre. Si je vous parle là maintenant, vous allez comprendre que c'était là. Cette notion-là, c'est la notion des pierres d'achoppement. Ça se trouve en plein dans la Bible. Dieu a prévu des pierres d'achoppement dans la Bible. Par exemple, Jésus a dit dans ce livre de Matthieu chapitre 22 en disant, il y a un monsieur qui avait son champ, il a assigné ça à ses serviteurs de travailler. Il a envoyé les serviteurs pour venir demander comment on a tué leur. Un jour, il a envoyé le fils. On a dit, voici le fils, voici l'héritier. Arrêtons de tuer. Donc, ils ont chicoté le fils bien même. Il dit que lorsque le maître vient, qu'est-ce qu'il va faire à ces gens-là? C'est même eux-mêmes qui ont dit qu'ils vont tuer ces misérables, ils vont assigner la vie à celui qui peut rendre compte. Après Jésus-Christ, ceci. Avez-vous déjà lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue, la pierre qu'on rejetait, est devenue la principale de l'âme. Et c'est un prodige à nos yeux, et c'est de l'éternel qu'elle est venue. C'est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Dieu dit qu'il a placé. Vous entendez ce que Dieu dit? Donc il a mis clairement certaines choses pour faire chuter les gens. Jésus, quand Siméon a porté Jésus, sans dire que vous l'avez conçu, pour que quand on va arriver, que c'est un chose ne vous choque pas lorsqu'on va lire. Je vous ai dit ici qu'il y a certaines choses que vous allez lire dans la Bible. C'est ta Bible, hein? C'est ta Bible. Il y a un autre là, pourquoi c'était Abraham, qui a lu la Bible, il a suivi l'enseignement, Il suivait son. C'est quoi sa Bible? Il s'est levé comme ça, il a tapé la Bible, c'est comme ça, tac! C'est quel genre de Bible ça? Il voulait fuir la Bible. C'est sa Bible à lui. Il lisait chaque fois. Il écoute l'enseignement, il regarde la Bible encore. C'est comme si on a changé le verset. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines choses que s'il dit, il y a quelqu'un qui va me faire traverser la barrière là. Mais maintenant, vous m'aimez, pas vrai? Les portes sont fermées, donc on ne peut pas me taper. D'abord, vous voyez, j'ai le muscle, j'ai la force. Donc, nous allons lire dans la Bible, mais il faut que vous parle de cette notion. La notion de pierre d'achoppement. Je vous explique, quand il va expliquer deux ou trois, vous allez comprendre de quoi il est question. Ces pierres d'achoppement sont des semblables des notions telles que Dieu se contredit. Comme s'il y a des contradictions dans la notion que Dieu lui-même a énoncée. C'est ça les vraies pierres d'achoppement. Je prends la pierre d'achoppement que vous connaissez tous. Lorsque vous allez prendre Matthieu chapitre 28, verset 19, on va présenter le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque vous allez être apôtres dans la pratique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça semble avoir la pierre d'achoppement. Mais ceux qui sont de Dieu comprennent qu'il n'y a pas de contradiction. Vous avez vu cela? Voilà, c'est ça, c'est de ça dont je vais parler. Lorsque vous allez lire effectivement Jean chapitre 14, verset 28, vous allez entendre mon Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Mais lorsque vous allez aller sur le trône, vous allez voir qu'il y a une seule personne sur le trône qui allait parler depuis. La notion de pierre d'achoppement. Lorsque vous allez prendre Matthieu chapitre 3, vous allez voir après son baptême, une voix parle, la nuit, vous voyez, il est là, ça semble être trois, mais vous dites, le Père et moi, nous sommes un. La pierre d'achoppement. Alors si tu veux chercher trois, tu vas voir effectivement quand Isaïe a vu dans Isaïe chapitre 6, tu vas voir 5. Les anges vont parler trois fois. Tu vois, même quand il n'y a pas trois quelque part, tu vas dire créons-nous à notre image, tu vas dire que c'est trois, même quand on n'a pas dit trois là-bas. La notion de Trinité va te créer la pierre d'achoppement. Ça se trouve en plein dans la Bible. Lorsque vous apprenez le ministère de la femme, bien qu'on dit, comme le dit aussi la loi, qu'elle soit soumise, vous allez voir quelqu'un, comme on a vu ici hier, qu'il n'y a plus égalité, il n'y a plus homme ni femme, que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, bien qu'il sache que le Saint-Esprit n'échange pas non plus les sexes. Quand Marie, la mère de Jésus, a reçu le Saint-Esprit, elle était toujours Marie, mère de Jésus. Il n'y a pas un troisième sexe que Dieu a choisi. Maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit, on l'appelle maintenant Or. Il y a il, il y a elle, il n'y a pas or. Pour dire que la personne que reçoit le Saint-Esprit. D'accord? Voilà. Donc vous avez vu cette personne qui a posé la question. Elle s'est levée, elle a salué les garçons. Puis quand elle s'est assise, elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, ça semble être dit qu'il y a égalité entre homme et femme. Mais plus tard, la personne dit que je vais cependant que sachez que l'homme est le chef de la femme. Donc il y a une pierre d'achoppement qui est mise là. Je veux que les femmes se taisent dans les assemblées. On présente puis qu'elle veut parler. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'une est une loi qui est irrévocable, l'autre c'est une notion qui ne semble pas être dans le même sens. Les pierres d'achoppement. C'est ça? C'est. Lorsqu'on va arriver là-bas, vous allez voir à la fin, à la sortie, vous allez voir une pierre d'achoppement. Présentez-la en noir et blanc. On avance. Et alors, la pierre d'achoppement telle que Dieu met, c'est sa notion, c'est ce que lui dit qui est le vrai. La pierre d'achoppement n'est pas là pour créer l'achoppement à ses enfants amis. Quand Jésus, notre Seigneur, a été présenté à Siméon, quand il a pris dans le temple, conduit par le Saint-Esprit, il a ouvert la bouche, il dit cet enfant est destiné. C'est aussi le pourquoi il est venu. À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Pour les uns, c'est la chute. Pour les autres, c'est le relèvement. Donc, si tu es destiné dans le groupe des chuteurs, tu vas sauf que chuter. Tu es destiné dans le groupe de ceux qui vont relever, il va relever. Amen. C'est comme ça. On dit que c'est de lui, du Seigneur qui s'est venu. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prendre cette notion-là dans les quatre évangiles d'abord. Nous avons vu que l'apôtre nous a dit que c'est ce qu'il a prêché et ce qu'il a reçu. Pour que nous comprenions ces choses-ci, nous allons aller dans les derniers instants de la vie de Jésus, dans les quatre évangiles pour bien observer. Et chaque fois, vous allez devoir noter. Nous allons commencer dans Matthieu chapitre 26. Lire doucement jusqu'à sa crucifixion. Au moment où il a ressuscité, on va s'arrêter. Nous sommes d'accord? Dans chacun des évangiles, on va lire ainsi, on va s'arrêter. Et on va mettre toutes les pièces de puzzle qu'on aura rassemblé. D'accord, frère? Lisons. Commençons par Matthieu, chapitre 26. Je ne sais pas, regardez, c'est là, mais c'est ici que ça me conduit. Ah, mon Dieu. Donc, j'espère que vous avez noté les choses qui sont là-bas. Si je savais, je vous aurais dit de lire ces choses-ci en journée. Et que chacun lise les longs chapitres là, du 26 jusqu'à 28, de Luc chapitre 22 jusqu'à 24, Matthieu chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, et Jean chapitre 18 jusqu'au chapitre 21, pour voir toutes ces choses là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ici, et tant en temps, on va aller là-bas, dans ces notions là, d'accord? Prenez ceci. Beaucoup de choses sont prises pour acquis, n'est-ce pas? C'est évident que les gens naissent dans une famille, on dit qu'on baptise les enfants, les gens commencent à le suivre. La fête de Pâques, c'est on a décidé que c'est vendredi saint, et puis dimanche, c'est la fête de Pâques, les gens suivent. La fête de Noël, la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 décembre, les gens suivent. On ne s'arrête pas pour se poser des questions, d'accord? La conséquence est que les personnes sincères sont induites en erreur, le fait qu'on suive ainsi. Mais la question que nous nous posons est celle-ci. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la vérité? Parce que c'est pour eux que, comment les gens se lèvent Noël, tu entends, on dit que la fête de Noël est satanée. La personne te regarde d'abord comme ça, que toi tu sors d'où dans cette génération? Qui t'a envoyé pour troubler notre fête? Depuis qu'on se lève, tu veux me dire que depuis que les peuples, tu veux me dire que le pape lui-même là, qui est le plus sage là, qui est le représentant des dieux sur la terre, ne connaît pas ces choses, et c'est lui qui a donné Noël. Si c'est oui, Jésus-Christ n'est pas ressuscité un dimanche. N'est-ce pas choquant ça? C'est choquant, mon cher. C'est choquant comme affirmation, non, à vrai dire. Viens, frère. Ça dérange. Selon toi, pourquoi? Parce que la notion a toujours enseigné que Jésus-Christ est ressuscité dimanche. Mais sur ce, analysons encore la chose avant d'y entrer. Nous avons convenu ici que on a dit le sabbat s'approchait. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et c'était le jour avant le sabbat, n'est-ce pas? Et il ne fallait pas que le corps reste en haut avant le sabbat. Donc il est mort 15h un jour. Ce jour-là, on appelle vendredi saint. C'est ce qu'on nous a habitué, ce qu'on nous habitue. Vendredi saint. Et la Bible déclare qu'il est mort à la 6e heure, il y avait des ténèbres sur la terre. Il a rendu l'esprit à la 6e heure, n'est-ce pas? C'est-à-dire à 15h. Donc il est mort certainement à 15h vendredi. Et dimanche matin, on dit qu'il est ressuscité. Ça fait 3 jours, mon cher. Alors, c'est simple, il dit, cette simple réflexion devait pousser les gens à comprendre que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas l'écriture qui ne va pas, c'est le problème que, enfin, en partie, c'est le problème que les gens ont amené l'interprétation et leurs idées là-bas. Ils ont collé des faits, des notions, des différentes divinités là-dedans. Et les gens sont en train de célébrer donc cet autre Jésus, en nom de Jésus-Christ de la Bible. Souvenez-vous, il doit être ressuscité selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est l'écriture que tu vas le faire, tu dois dire comment il doit ressusciter, comment il doit mourir, pourquoi il doit mourir. Comment il doit être enseveli, où il doit être enseveli. On a dit qu'on avait mis son tombeau parmi les riches. Si on voit quelqu'un qui vient dire que, comme les musulmans encore disent, il y a les Ahmadiyya qui disent qu'il est mort, son tombeau se trouve en Inde. Puis, il y a son tombeau là-bas en plein maintenant, en Inde. Là, l'homme semble lui parler. Le Jésus dont il parle. Et c'est une version musulmane qui prouve que Jésus est effectivement mort. Il s'est marié, il a vécu à l'âge de 120 ans. Il est mort en Inde. Les Ahmadiyya, vous allez entendre parler. Mais vous êtes dans quel monde là-bas? En 2016. Donc vous allez voir un musulman qui s'assoit comme ça, il ne se comprend pas. Pourtant le Coran dit clairement qu'il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas d'abord mort. On dit justement il n'est pas mort, il a été enlevé d'aller en Inde, mais il a continué sa vie là-bas. Il a eu des femmes, il a eu des enfants. Il y a même sa descendance même qu'on suit. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? D'autres disent que c'était un Judas qu'on a jeté, on a chargé le visage de Jésus. On a mis sur Judas, on a attrapé. Il allait à la croix. Donc on a attrapé sur lui, il n'a pas crié que ce n'est pas moi, c'est pas moi. On l'a crucifié et Jésus-Christ a été enlevé. Et Jésus lui disait comment ton Dieu dans le fils de l'homme sera livré, il mourra et je vous présenterai en Galilée. Donc il aura menti. Dans le Coran, il dit que je suis né, que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. C'est écrit noir et blanc dans le Coran. Il est né, il a grandi. On ne voit pas où il est mort et ressuscité. Amen. Et ils sont d'accord que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. On dit qu'il est quand même parti. Il ne se pose pas de questions. Donc nous devons nous poser les vraies questions dans la Bible pour aller voir les vraies réponses dans la Bible. Les Écritures disent qu'il est censé mourir en une place bien déterminée et son tombeau doit être parmi les riches. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est écrit dans la Bible comme ça. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Celui qu'on a bien annoncé étant en Inde, il est mort tranquillement avec sa femme à la maison. Mais celui de la Bible, on dit qu'il est censé mourir au milieu des malfaiteurs. N'est-ce pas, la Bible le présente exactement à la croix avec deux malfaiteurs? C'est pas ça, frère? Lorsqu'on a dit qu'il est fait de la terre, on a retiré le corps parce qu'il est mort à 15h. le moment des sabbats arrivait déjà. Souvenez-vous, je vais vous expliquer que je vous comprenez la notion avec le temps des Juifs. Le sabbat, quand on dit vendredi, vendredi ne finit pas à minuit. Si on prend le calendrier juste, et désormais, lorsqu'on commence à lire la Bible, et ce calendrier en tête, parce que Dieu compte les jours du soir au matin. Donc, lorsque Jésus meurt, le Jésus de la Bible, lorsqu'il meurt, il faut de toucher cette notion pour que ça soit bien stable avant qu'on entre. Lorsqu'il meurt à 15 heures, il expire, il y a des ténèbres sur la terre pendant à peu près 15 minutes ou demi-heure. Quand le temps passe, la Bible déclare qu'on est allé pour casser le pied, comme il le savait s'approcher pour casser le pied. On a vu que lui, il était déjà mort. On a cassé les deux autres pieds. Lui, on a descendu de la croix, on a demandé son corps avec Joseph d'Arimathée, avec les autres, on a demandé le corps. Comme c'était la préparation pour le sabbat, il ne pouvait pas porter le corps loin. Ça suppose que 18h arrivait. Lorsque 18h arrive, pam, vous ne pouvez plus rien faire. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Directement, ils ont vu un sépulcre à côté. C'est là où ils ont déposé le corps de Jésus. Parce qu'il fallait qu'il court depuis rapidement pour finir avec le sabbat, pour entrer dans le sabbat. Parce que lorsque 18h arrive, on tombe directement le samedi. J'espère que vous saisissez. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Eh oui, grand oui, vous avez vu ça, la notion là-bas. Chapitre 1, le Saint-Esprit. Chapitre 2, la divinité de Jésus-Christ. Tu seras un feu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire Jésus est mort ça, à 15, aux environs de 15h. On l'a enterré avant 18h. Donc, dans l'espace 15h, 18h moins, il est mort, on l'a enterré. On est d'accord? Ça devrait suffire comme pour régler le problème. Donc déjà en expliquant comme ça, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 là qu'il est mort selon les Écritures, enseigné selon les Écritures, ressuscité le troisième jour. Or, si on le dépose dans le tombeau entre 15h et 16h, et entre 15h et 18h, il faut que un jour dans le tombeau soit le prochain jour. C'est-à-dire que entre 15h et 18h, ça sera une. C'est-à-dire que samedi entre 15h et 18h, ça fait 1. Dimanche encore entre 15h et 18h, ça fait 2. Lundi encore entre 15h et 18h, ça fait 3. Donc, c'est le lundi en soirée. Mais c'est parce que la Bible nous présente. Donc, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque les gens vont le matin du premier jour de la semaine, c'est écrit littéralement le premier jour de la semaine, les femmes sont rendues au sépulcre. Ils ont vu que le tombeau était ouvert. Donc, il est resté avant lundi, forcément. Quelque chose ne va pas avec la notion du vendredi saint. C'est là où se trouve le problème. Le problème se trouve pas par rapport au jour de résurrection. Le problème se trouve par rapport à l'étape initiale qu'on nous fait comprendre aujourd'hui que c'est ce jour-là qui a lieu dans le tombeau. C'est sur ça qu'il y a le mystère. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas avoir dit que, en comptant comme ça, Jésus-Christ serait resté lundi. Pourtant, on est venu dimanche, la tombeau était déjà ouverte. On est d'accord? Donc, ça veut dire que ce n'est pas la résurrection qui est le problème, c'est le jour de l'enterrement qui est le. C'est là-bas qu'il faut regarder le problème, se trouve là-bas. Amen. Alléluia. Allez, c'est que votre cœur vibre là-dedans, mais avançons. Parce qu'il y a des gens que tu dis, je ne veux pas entendre. Je sais depuis que je suis né que Noël, c'est la fête de Jésus. Bah, tu mets la notion qui écoute. Comme le truc des péchés originels, les gens ne veulent pas écouter. C'est ça que si ils écoutent, ça va te casser le cerveau. Parce que la peur, c'est si j'arrive que c'est la vérité, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mieux, je n'écoute pas. Donc, ils préfèrent les ténèbres. Comme Jésus a dit, les gens sont dans les ténèbres, la lumière est venue, ils préfèrent les ténèbres. Dans Jean chapitre 3, verset 20, exactement, c'est quoi ce qui est écrit là-bas? La Bible dit dans 1 Timothée 1, verset 3, je te rappelle l'exhortation que je te fis de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, il est prévu dans la Bible qu'on n'enseigne pas d'autres doctrines. Souvenons-nous de ces 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11, je vous ai demandé de souligner. Il a dit que ce soit eux, que ce soit moi, c'est là ce que nous enseignons. Donc, il n'y a pas un docteur à enseigner. Tu dois arriver à la conclusion qu'on t'a toujours enseigné ce qui est faux. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 17 à 27 dit clairement que pour vous, l'onction que vous avez reçu de lui, ouais, n'est-ce pas, plus antiques qui sont sortis. C'est ça la preuve que nous sommes à la dernière heure. En fait, c'est tout simplement que beaucoup de traducteurs de la Bible n'étaient même pas des chrétiens. Vous êtes d'accord, frère? Pour certains, ils étaient des philosophes. Or, notre Dieu prend les sages dans leurs ruses. Il suffit de lire les Bibles, dites d'études, pour voir se glisser des pensées humaines qui n'ont pas seulement rien à voir avec les pensées éternelles de notre Créateur. Pour cela, je vais vous expliquer un principe. Si vous prenez les Bibles d'études, ceux qui ont les grosses Bibles, il y a une Bible d'études, si vous avez apporté une Bible d'études, si vous avez montré cela, je crois que j'avais montré ça. En assemblée, j'en ai parlé à ma femme. Vous regardez, on écrit par exemple dans la Bible d'études, en écrivant, en publiant un livre comme le livre de Zacharie, on fait une brève introduction. En publiant Apocalypse, on fait une brève introduction pour parler de cela. Vous voyez, un être humain prend sa plume. Il écrit que Apocalypse, l'Apocalypse johannique s'est inspiré de Zacharie. Donc c'est comme si Jean est resté comme ça, il a compris que Zacharie dit des choses. Vous voyez ce que moi on dit. Je ne sais pas ce qu'il ne va pas avec les êtres humains. Il se rend compte qu'il y a certaines choses que Zacharie a dit, que Jean a dit et que Zacharie en avait parlé. Au lieu de comprendre que le même esprit a révélé ça à Jean pour amplifier et éclairer davantage ce qu'il avait dit dans le passé, il dit que Jean s'est inspiré. Donc on l'a enfermé comme ça, il avait le rôle de Zacharie, il dit sa part. C'est exactement ce que les traducteurs bibliques font. Vous comprenez cela? C'est pour ça que vous voyez que chaque tendance, celui qui, selon qu'on croit dans un groupe, chaque tendance a tendance à traduire selon sa croyance. Les témoins de Jéhovah ont décidé, tu vas faire n'importe quoi, ils vont soutenir Mobucus que YHWH de Jéhovah. Bien qu'eux-mêmes vont confesser que c'est pas son nom, mais ils vont employer. 173 fois, ils vont mettre ça dans le Nouveau Testament. Pourtant, il n'y a pas un seul verset qui contient le YHWH dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ont une doctrine, ils veulent présenter une personne dans la personne de Jéhovah. Il sait qu'en lisant au film, c'est une technique américaine. Vous voyez, on montre un film, il y a McDonald's derrière, en toile de fond. Quand on montre quelqu'un qui passe, il y a Coca-Cola. Petit à petit, ça met dans le subconscient le désir de boire Coca-Cola et manger McDonald's. C'est une technique de marketing qui se utilise depuis 18 ans. Depuis plus de 200 ans, et ça les fait faire des milliards. Ils savent qu'au film, en lisant Jéhovah, en voyant, ça va glisser dans ta bouche. Tu vas faire cela tout naturellement. C'est pour ça qu'on leur donne les injonctions. Allez chez les gens, si vous rejettez, remettez quand même sous la croix. Tôt ou tard, quelqu'un va prendre, il va lire. C'est ça. Ok. Prenez par exemple la Bible d'étude version Semeur 2000, édition Alexis, page 14544 et 14566, et voyez le tableau chronologique de la dernière semaine de Jésus sur terre. Vous allez être surpris de ce qui est écrit là-bas. S'il y avait apporté ce livre de Louis II de Semeur, là, la version 2000, vous devez voir les choses. Vous voyez la chronologie comme on a mis. Et vous voyez qu'en lisant cela, ça ne marche pas, mais les gens ont mis là. Après, ils vont écrire à l'introduction que cette Bible a été traduite dans la période de nous rendons grâce à Dieu qui nous a inspiré le Christ. Donc, Dieu t'inspire dans l'erreur. Des vendredi soir à dimanche très tôt, est-ce que cela fait 3 jours? Non. C'est ce que nous avons compris, n'est-ce pas? Si la réponse est non, pourquoi ne pas dire que nous nous sommes trompés quelque part et vérifier tous nos documents de code de théologie? Si des vendredi soir à dimanche très tôt, ça ne fait pas 3 jours, il faut qu'on admette qu'il y a la vérité, qu'il y a le mensonge quelque part. Et donc, on admet qu'on s'est trompé depuis. Et dit pardon aux yeux au monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme c'est l'esprit d'erreur, et l'esprit d'erreur a le désir d'accompagner les gens dans la grande voie, comme la Matthieu chapitre 7, verset 14 à 15 nous dit, qu'il y a plus, qu'il y a la grande voie où beaucoup de personnes vont pour la perdition. Beaucoup de personnes suivent. On ne veut pas entendre parler de la vérité. Ils ne disent pas lire. Même les pasteurs, au-dessus de mecs comme ça, parce que Christ est ressuscité quand il dit qu'on ne veut pas entrer dans ce débat. Il dit qu'il ne peut pas entrer dans ce débat, il dit que ça n'édifie pas. Quand il sait qu'il ne peut pas défendre quoi que ce soit, il dit que ça n'édifie pas. Souvenez-vous, on doit enseigner tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible édifie. Je peux parler du suicide. Le suicide édifie ça. Vous savez ça? Je peux enseigner sur le suicide. Vous savez ça? Après, tu ne savais pas. On dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça a été écrit pour quoi? Notre instruction. Voilà. Donc ça a été écrit pour nous instruire. Donc je peux prendre la notion des suicides qui est dans la Bible pour t'instruire. Pourquoi Judas s'est-il instruit? S'est-il suicidé? Qu'est-ce parce qu'il avait du remords? Il y a quelque chose. Et certaines personnes se sentent souvent accablées pour qu'ils veulent se suicider. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose. Il faut persévérer jusqu'à ce que cet état-là passe. Tu ne dois pas te suicider. Je peux t'instruire avec cela. Alors les gens disent que non, ça n'édifie pas. Tout, il dit bien, quand quelque chose est mentionné dans la Bible, on peut enseigner avec. Je n'ai pas dit que c'était le choix que vous allez prendre pour enseigner. Il y a toutes les notions là-bas. C'est pour ça que c'est écrit. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 10 là, qu'ils ont traversé tous dans les nuits, ils ont bu le même numéro, ils sont tombés ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit que les sèches leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'imitions pas. Pas vrai? Ne les tentons pas, ne tentons pas le Seigneur comme tentés. Ne faisons pas comme ça de la népusité comme c'est tenté. Donc les systématiques ont tapé 23 000. Ne faisons pas ces choses. Donc on part là-bas lire pour voir comment Balaam a fait, voir comment ils sont lavés avec les Madianites, comment ils vont faire, comment finir à tuer pour prendre instruction. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, peut-être tu demandes pourquoi est-ce important de savoir quand Jésus est ressuscité. La réponse est simple. On doit savoir que la Bible ne se contredit pas. Tu dois voir la sagesse de Dieu dans tout ce livre et arriver à comprendre que Dieu veut vraiment révéler son contenu à tous ceux qui veulent vraiment le servir. Il faut aussi noter que le diable veut qu'on l'adore. Pas vrai? S'il peut seulement te prendre dans un de ces domaines, ignorance, péché, etc. D'accord? Te prendre dans l'ignorance. C'est que à l'instant où tu es ignorant, quelque part, tu es tombé. Quand un policier, si un policier vient ici, il a dit que monsieur, mettez-moi les chaises, ça a été volé. Il entre là comme ça, on le voit entre nous. On dit chef, pardon, prenez vos déchets, sortez. Prenez 10 minutes, sortez. Il dit que ceux-ci ne connaissent pas la loi. Parce que la loi dit, à partir de 18h, il n'a pas le droit d'entrer. Nous nous trouvons ici, il est 21h. Exceptionnellement, un juge doit lui donner le mandat de perquisition. Il doit présenter le mandat de perquisition. Venant avec un procès verbal. S'il doit prendre n'importe quoi, il doit lister là-bas. Il y a un témoin qui doit compter et lister tout ce qu'il a pour ça dans le procès verbal. C'est ce que la loi prévoit. Mais si tu ne connais pas la loi, il va monter sur la tête. C'est exactement ce que la tactique que Satan utilise. Satan veut qu'on ne connaisse pas ce que Dieu a dit et derrière, il est derrière de le faire. Il peut nous captiver donc dans l'ignorance et dans le péché. Amen. Ok. Et je crois que nous ici, nous ne sommes pas de ceux qui sont ignorants. Il te poussera à l'eau célébrée, croyant célébrer le Dieu de la Bible. Nous sommes d'accord? La Bible dit qu'il va même s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. Donc il est clair que beaucoup célèbrent les fêtes en l'honneur de Satan. Noël, Pâques et autres. Voilà à quel point connaître le jour de la mort, ainsi que le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, où la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a lieu, est important. Donc, il faut qu'on examine, comme je dis à l'introduction ici, si oui ou non, le Jésus-Christ que nous célébrons, c'est le Jésus-Christ qui est resté effectivement le troisième jour. Puisque voici, nous sommes en le mois d'avril, il y a cela quelques semaines, les catholiques, avec toutes les autres religions, ont célébré la fête des résurrections, la Pâque. C'est pas ça, hein? Ils ont parlé du vendredi saint, puis dimanche. Et chaque jour, ils disent cela, les gens les instruisent, les archéologues, les géographes, les philosophes, les professeurs d'université sont assis là en plein avec le chef d'État. Personne ne se pose aucune question pour montrer clairement que Dieu prend les sages dans leur russes. Ils sont assis là, bien versés dans les diplômes. Mais pour compter de 1 à 3, les dépassent. C'est pas ça, frère? N'est-ce pas bizarre? On va dire qu'en ces premiers jours de la semaine où le Christ est ressuscité, il y a cela 2 jours, venez me dire que c'était vendredi saint. Quelqu'un ne dit pas que mais pasteur ou prêtre. Mais vous avez dit vendredi saint, c'était le jour où ils sont morts, il est ressuscité dimanche matin. C'est 3 jours. Alors là, il va enlever sa soutane et fuir. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus est-il sorti du sépulcre le dimanche matin? Y était-il resté 3 jours et 3 nuits? Il avait dit que cela constituait le seul signe. Prenons Matthieu chapitre 12, verset 40. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Que nous prenions le temps pour examiner ces choses-ci. Et alors là, quand on va finir cet enseignement sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas resté dimanche, vous allez souffler un bouffet d'oxygène. Vous allez encore regarder le Dieu autrement. Parce qu'au fur et à mesure, plus la connaissance augmente, plus vous allez sur le nettoyage. Ça fait prendre position encore davantage. Matthieu chapitre 12, verset 40, qu'est-ce que ça dit? Frère Willy. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De la Bible, la Bible témoigne que ça sort de la bouche de qui? Du Seigneur. Il a dit qu'il va faire combien de nuits? 3 jours. En réalité, un jour a une obscurité et une clarté. Un autre jour a une obscurité, une clarté. Ça fait 2. Un autre jour, une obscurité, une clarté. De vendredi saint à dimanche matin. Ça fait 3 nuits, 3 jours. Jamais. Donc il y a un problème. Nous sommes un peu d'accord. Ouais. Okay. Même si on veut mes taxes les satanistes. Comme on a dit que j'ai dit que pendant 12 là. Donc, Matthieu 12, verset 40, montre que pour qu'il soit le Messie, il faut qu'il accomplisse là. Parce qu'il est en train de dire dans ce Matthieu-là que Jacob, Jonas était en train de prophétiser ce que le Messie ferait. Et il faut qu'il réalise là. Lorsque quelqu'un vient ici dire aujourd'hui qu'il est le Messie, il va falloir qu'il réponde là. Or, ce n'est pas lui qui force à dire que mettez-moi dans la tombe. Il y a un prophète là-bas, je ne sais pas dans quel pays. On lui a demandé qu'on enferme parce qu'il va avoir la puissance sur la terre. On a enfermé là-bas, on a mis la terre, il est mort. Donc, ceci peut coïncider avec la tradition d'une crucifixion du vendredi saint et d'une résurrection à l'aurore du dimanche de Pâques? Que non. Quelle preuve notre Seigneur Jésus-Christ a donné qu'il était le Messie? Les pharisiens l'avaient mis au défi sur ce point précis et la réponse qu'il leur donna, le signe qui dit La vérité fut une génération méchante et adultère demande un miracle. Et ne lui sera demandé, donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut, quoi? Trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. C'est ce qu'il écrit? C'est ça. Ça, c'est la Bible. Donc alors, comme je vous ai parlé de pied d'achèvement, vous allez avoir dans la Bible qui est la vérité, qui révèle la vérité face aux traditions humaines. D'où est-ce que sort vendredi? Vendredi Saint sort même d'abord, de le nom vendredi Saint sort d'où? Juste parce que ce vendredi-là devient saint. Un jour, un saint comme ça, facilement. Alors comment la tradition de vendredi Saint, ou bien dimanche de Pâques, peut-elle tenir? Est-ce que 72 heures, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits, peuvent entrer entre la fin de l'après-midi de vendredi et le dimanche matin? Pourquoi si peu de personnes réfléchissent-elles à l'unique signe donné par le Christ qui était le Messie? Est-il possible que ce soit trompé au sujet de cette seule et unique preuve sur qui il était et qu'il soit demeuré le Messie? Il a dit que Jonas prophétisait comme ça lui-même. Étant donné que personne n'a été témoin de sa résurrection, il nous faut examiner la seule autorité disponible sur cet important événement. C'est quoi? La Bible. L'apôtre Paul a dit qu'il fallait examiner. C'est-à-dire que prouver toute chose et retenir quoi? Ce qui est bon. La Bible constitue la révélation écrite de Dieu pour l'humanité. Et vous allez être surpris parce que la Bible dit, est-ce que la Bible ne dit pas sur ce point essentiel-là? Donc on va voir donc clairement que la Bible ne dit pas telle chose et les gens ont dit. Et la Bible dit telle chose et les gens n'ont pas dit. Alors que les chrétiens traditionnels acceptent volontiers les traditions des hommes, les véritables disciples, les croyants en Christ véritablement, les croyants des Seigneurs Jésus-Christ sont intéressés à savoir ce qu'il dit. C'est pour ça que vous allez voir les gens comme ça philosophie. C'est important, comme je disais tout à l'heure. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a à creuser? Vous creusez trop. Ça va casser la tête. D'abord, ça va t'amener la tête. Tu vas devenir fou à force de faire cela. Et c'est Satan qui a dit comme ça qu'évite de chercher la vérité. Et là, Jésus dit que vous connaissez la vérité. Ça vous a franchi. Parce que maintenant, si nous célébrons avec les catholiques et les pentecôtistes sont en train de joindre le mouvement. Ouais. Initialement, ils faisaient un peu à l'écart. Maintenant, ils ont joint carrément. Juste parce que les pentecôtistes ont commencé maintenant avec la fête des rameaux. Il a fait des rameaux, eux-mêmes comment a fait leur rameau, ils font aussi comme ça. Les catholiques se restent là et rient. Les catholiques sont constants dans leur fausseté depuis. Les pentecôtistes ne font que multiplier leur fausseté. Ils volent chez les catholiques. Vous voyez aujourd'hui les évêques et les archevêques chez les pentecôtistes avec les vous appelez le bâton. Tu le vois, tu crois que peut-être c'est un catholique qu'on a affecté là-bas. Mais c'est terrible, frère. T'as vu, alors, Jésus a déclaré, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc si Jésus a dit quelque chose dans la parole, il faut qu'on croie à ce qu'il a dit. Nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 40, 39 à 40 là, qu'il a dit qu'il doit passer, comme la Noé, Jonas l'a passé, trois jours et trois nuits. Et le frère Alphonse est prêt là. Frère Alphonse, ça entre, n'est-ce pas? Non, c'est bon. Jusque là, tu sais déjà tu es d'accord qu'il y a problème, non? Il y a problème. Et c'est que tu as regretté seulement dans la raison que avançons seulement, frère Julien, pour qu'on voit comment tu vas résoudre le problème. Accouche là. Amen. Quelle est la norme que nous allons utiliser? Est-ce qu'on va refléter les faits historiques que l'on retrouve dans la parole de Dieu ou continuer à suivre les traditions familières et confortables des hommes? Nous allons voir maintenant le but principal, c'est-à-dire que c'est que pourquoi le signe est important, le signe de Noé, de Jonas est important. C'est le mot surplus si on vous disait que Satan veuille nier que le Christ soit le Messie. Serait-il surprenant de penser qu'il veut reléguer l'histoire de Jonas et de la baleine au niveau du folklore, des mythes, des symboles, des superstitions? Il ne croit pas que ça a existé. Comment un homme peut rester trop jeune? Il explique comment dedans. Comment ça peut se passer? Si ce miracle n'a pas eu lieu, alors le signe dont Christ a parlé et sur lequel tout est basé n'est rien d'autre qu'une allégorie sans valeur. C'est pour ça que pour qu'ils attaquent d'abord la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'ils attaquent l'histoire de Jonas. C'est comme ça que Satan fait. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Considérez ce qui est mis en jeu par l'affirmation du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, verset 39 à 40. Son identité dépend de la réalisation de ce miracle-là. Amen. Si ce dernier ne se réalise pas, alors il n'est pas notre sauveur et nous ne pouvons pas faire confiance en rien de ce qu'il nous a dit. nous devons le considérer comme un faux prophète. Il est un fraudeur et l'on ne doit pas le suivre. Et l'humanité n'a pas de sauveur. C'est là, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, nous sommes encore dans nos péchés. Pas vrai? Puis il a dit, mais maintenant, Christ, il est ressuscité des morts. C'est ça? Il nous a même expliqué que selon les Écritures, c'est le troisième jour. N'est-ce pas ça, frère? Il ne faut pas mélanger le fait que la résurrection a eu lieu avec la question du temps écoulé, c'est-à-dire que la durée exacte de son séjour dans le sépulcre. Avant qu'il ne ressuscite, c'est cette durée qui est le signe. Avant qu'il ne ressuscite. Ressusciter, c'est sortir du tombeau. Nous parlons de la durée dans le temps. Combien a-t-il duré? Christ, il est clair que Christ est ressuscité. Il est clair qu'il est ressuscité. Mais il a dit qu'il faut qu'il passe une durée dans la tombe. Mais le problème, c'est qu'on nous présente Pâques aujourd'hui, vendredi des saints, dimanche des Pâques, et que ça ne fait pas cet intervalle. C'est ça le vrai problème. Ne vous faites pas d'illusion au sujet de la position des critiques bibliques à ce sujet. Bien qu'il soit embarrassant de voir ces érudits, ces grands docteurs et théologiens tenter d'expliquer par tout le moins le saint signe donné par Christ, ils n'ont pas le choix. Ces signes demeurent intacts. Alors la tradition du vendredi saint et du dimanche de Pâques est sans fondement, fausse et s'effondre totalement. Donc ça veut dire que les gens doivent débattre depuis. C'est de demander pardon sur toutes ces célébrations de tout ce qu'ils ont fait depuis. Amen. Certains commentaires bibliques sont à couper le souffle de stupeur quand ils affirment que trois jours et trois nuits en grec signifient trois périodes de temps. Alors ils peuvent essayer d'inventer comme ça pour dire qu'effectivement en calculant ça fait trois périodes de temps. D'éclater ou de noisseur, le vendredi soir, la journée du samedi et le samedi soir étant décrit comme étant ces trois périodes. Il y en a au moins quelques-uns qui sont suffisamment honnêtes pour admettre que la tradition du vendredi et dimanche ne représente qu'environ la moitié du temps dont Christ a parlé. Qu'entend-on par jour ou bien par nuit? Il faut expliquer la notion d'abord. Pourquoi? Parce qu'il a dit trois jours et trois nuits. Qu'on va dans la Bible pour savoir ce que la Bible appelle par jour et nuit et puis revenir dans ce verset. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Pouvons-nous être certains ou devons-nous spéculer sur le sens de la signification des mots jour et nuit? La Bible nous laisse-t-elle le choix de la définition, l'opinion de l'un étant aussi bonne que celle de l'autre? Vous prenez un livre qu'un docteur a écrit ainsi, il dit que la nuit veut dire ici, l'autre veut dire ici. Mais allons dans la Bible et savoir ce que la Bible, elle dit. Lisons Jonas chapitre 1, verset 17. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. On est d'accord? Souvenons que l'Ancien Testament fut écrit en hébreu. Ici, les spécialistes doivent faire face à un dilemme lorsqu'ils utilisent la phrase trois jours et trois nuits. Certains de ces érudits, en réalité des critiques, admettent que le langage hébreu signifie obligatoirement 72 heures. Donc 3 jours et 3 nuits doivent être 72 heures, comme 24 heures, quoi, 2 jours doivent être 48 heures. Il ne laisse pas de place à la théorie des périodes de temps, comme on voit dire que non, c'est 3 périodes. Il a dit 3 jours et 3 nuits. Le problème est le suivant. Christ a dit de même que, d'accord? Parce qu'il s'en dit de même que. Ça va se référer à ce que si Jonas a fait lundi, mardi, mercredi dans le ventre du poisson, il va falloir que Christ fasse lundi, mardi, mercredi. Alors qu'est-ce que les gens voient? Ils sont calculés, ils sont calés, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent? Ils disent que trois jours et trois jours, ils disent que trois périodes. Vous voyez? On ne peut pas faire cela. Quand ça concasse ton cerveau, il faut laisser. C'est pour ça que je vous ai dit à Bétis l'autre jour que quand une question de la Bible ne vous échappe, n'essayez pas de répondre mal. Si vous allez tomber dans ce même piège ici, dites je ne suis pas encore éclairé là-dessus. Je vais mettre en brèche jusqu'à ce que Dieu me reverse là. C'est ça, n'est-ce pas? À l'issue de ceci, vous posez une question. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit, rappelez-moi si je finis, on finit cette enseignement. Si vous n'êtes pas facile, vous posez la question. Je vous laisse maintenant que vos cheveux se dressent. Vous allez lire la Bible, vous allez lire ici, lisez ici. Et vous posez la question. Chacun va aller dormir doucement. Dans la Bible, il dit la Bible. Donc le problème, c'est que Christ a dit, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits. Remarquez bien l'emphase sur trois jours et trois nuits. Dans le ventre du grand poisson. Les mots de même que établissent une comparaison. Il n'y a pas de négociation possible avec le grec ici. Dans Jonas chapitre 2, verset 2, on va de même jusqu'à employer les mots séjour des morts, le shéol, pour le temps qu'il a passé dans le ventre du grand poisson. En d'autres mots, la tombe, le sépulcre. La comparaison de Christ est donc parfaite. Donc ça veut dire que Jonas était dans le sépulcre. Amen. Le Christ connaissait-il la durée d'un jour ou la durée d'une nuit, bien sûr. Lisons Jean chapitre 11, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Donc Jésus a cité la notion du jour, la notion de nuit, quand il dit que le jour a combien? 12 heures. Donc vous ne pouvez pas dire que le jour c'est une période. Il vient de définir le jour comme étant 12 heures. 12 heures de temps. Le jour a une période de 12 heures. La nuit aussi a une période de 12 heures. Ça fait combien? 24. Dieu n'a pas fait un jour à 25, un autre à 23 heures, jamais. On avance, frère. La Bible mentionne à plusieurs endroits que le Christ est ressuscité le troisième jour. Quelle durée sera déposante-t-elle? La première partie du chapitre de la création, Genèse chapitre 1, versets 4 à 13, dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Donc le jour, c'est la partie de la lumière. Il appela les ténèbres nuit. Donc, les ténèbres, c'est la partie qui est noire. Nous sommes d'accord. Ainsi, il y a eu un soir, ça dit noirceur. Et un matin, clarté. Ce fut donc Dieu, ce que Dieu appelle par un jour, c'est un noirceur, une clarté. Donc tout cela donne 24 heures, donc un jour. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas à dire que je pense qu'on ne pense pas. C'est la Bible qui s'est définie. C'est pour ça que ce n'est pas avec un dictionnaire biblique qu'on doit aller lire la Bible. Ou bien en sondant dans l'histoire, que l'histoire démontre que non. C'est ici qu'on doit lire la Bible. Ainsi, il y a un soir, c'est-à-dire le soir, il y a un matin, clarté, c'est fini le second jour. C'est ce qu'on va lire là-bas au fur et à mesure qu'elle va créer. Ainsi, il y a un soir, à la date, trois périodes de noirceur, appelées nuit, trois nuits. Et il y a un matin, trois périodes de nuit. Donc, si vous prenez le chapitre 14, chapitre 15, quand il va quitter du premier jusqu'au troisième jour, vous allez voir effectivement qu'il y a trois périodes de noirceur, trois périodes de clarté. Donc, premier jour, il a créé telle chose, deuxième jour, il a créé telle chose, troisième jour, il a créé telle chose. Un soir, un matin, un soir, un matin, un soir, un matin, ça fait trois noirceurs, trois clartés, ça fait trois jours. Amen. Qu'on comprenne encore l'enjeu qui est, un, c'est pour savoir quel Jésus nous servons. Deux, c'est pour savoir si, effectivement, Jésus est notre nom, Jésus là est notre Messie. Sinon, c'est peut-être nous demander d'adorer que Jésus qui est en Sibérie là. C'est ça que tu adores, celui-là que tu adores, frère. C'est celui qui est en Australie. Voilà la définition biblique de la durée représentée par le mot le troisième jour. Elle couvre trois périodes de noirceur et trois périodes de clarté. Ça veut dire quoi concrètement? Si, prenez l'exemple, quand vous achetez le crédit internet, nous sommes le 12 avril 2016 là, il est 21h22, n'est-ce pas? Et on dit que vous avez 24 pour utiliser. Ça veut dire que ça va être demain comme ça, à cette même heure-ci exactement. Donc il faut que ça soit demain, donc le 13 à 21h22 minutes. Quand 21h22 minutes sera passé, ça va couper automatiquement. Ça aura fait 24 heures. Donc à l'heure initiale doit être l'heure de la fin. Donc ça sera 24 heures, sinon ça ne sera pas 24 heures. Vous savez, n'est-ce pas? Donc si Christ est mort dans un intervalle-ci, et que c'est ça le point de départ, on l'a mis au tombeau. Le mort va ressusciter, ce sera le même moment de 7 jours-là. Les temps de quitter en de là-bas pour tomber à ce même moment exactement, ça doit faire 3 jours. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, ça doit faire 72 heures. Nous avons prouvé que cette période dure combien? 12 heures. 6 fois 12, font combien? 72, parce que chaque période, il y a 3 noirceurs, il y a 3 clartés. Et chacune de ces périodes-là a 12 heures. Donc, 12 fois 6, ça fait combien? Ça fait 72. Bon, ça fait donc en clair 3 jours. C'est plus simple, n'est-ce pas? Maintenant, sondons maintenant vraiment. Le problème vient effectivement d'où? Vous avez moi? Nous venons d'établir la durée exacte que Christ a passé dans le sépulcre, soit 72 heures. Il y est resté 3 jours et 3 nuits, de même que, souvenons-nous de cette phrase-là, de même que. Nous allons lire sur peu de temps 4 autres passages de la même chose. Marc chapitre 5, verset 15 et 13. Christ nous prévient de ne pas annuler la parole de Dieu par notre tradition. Comment des personnes intelligentes, instruites, des spécialistes de la Bible, peuvent-elles savoir que Jésus a été crucifié un vendredi et est ressuscité un dimanche? Qu'y a-t-il dans le signe pourtant très clair que Christ, du Christ qu'elles ne peuvent accepter? La réponse à cela est le confort d'une tradition clairement fausse, mais établie depuis longtemps. Donc ils ont peur d'affronter la vérité. Voilà. Il existe d'autres passages qui prouvent la durée de 72 heures du Christ dans le sépulcre. Et donc, cela, on va aller dans la Bible. Les pipés. Amen. Alors maintenant, si on pipe donc, on a parlé des cas de salut, on pipe les passages qui parle de salut, on regarde effectivement comme pas faire de salut, et qu'il y a deux, trois passages qui semblent dire le contraire, il faut qu'on regarde ça à la lumière de ce qui est là-bas. Donc ça en train de dire autre chose, pas de salut. D'accord? Mm-hmm. Nous allons lire maintenant ce qui est écrit maintenant ici, vous allez voir. Et nous allons regarder, ça va sortir avec la pierre d'achoppement. Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en. La Bible déclare qu'il parlait du temple de son. Donc le Seigneur Jésus parlait clairement ici de sa mort et de sa résurrection. Donc quand vous allez me crucifier, me tuer, trois jours après, je vais ressusciter. Donc l'utilisation de la phrase en trois jours signifie que Christ ne pouvait pas dépasser 72 heures dans le sépulcre. Autrement dit, à l'intérêt d'une période de trois jours. Parce qu'il a dit qu'en trois jours. Inversement, Matthieu 27, 63 établit que le séjour de Jésus dans la tombe ne pouvait être moins de trois jours. Donc on a dû mettre un intervalle. Il ne peut pas être plus de trois jours, il ne peut être moins de trois jours. Il doit être quoi? Trois jours. De même que Jonas. Alléluia. Car il est écrit, après trois jours, je ressusciterai. En trois jours. En français, en mathématiques, on dit par exemple que 2 est supérieur, ou bien x est supérieur ou égal. Donc ça veut dire que si on trouve un numéro x qu'on met là-bas, ça doit être soit grand, soit exactement égal. Quand on dit x est supérieur ou égal à 4, ça veut dire que tu es au minimum à 4. Et tu dépends donc à partir de 4, 5, 6 en montant, tu peux en mettre 3. Donc, Jean chapitre 2, verset 11, 19 à 21 dit que, et en 3 jours, donc c'est dans l'intervalle de 3 jours, d'accord, il va se relever. Matthieu chapitre 27, verset 63, c'est pour ça qu'il avait dit, je voulais souhaiter que, en journée que vous lisiez le Matthieu chapitre 26 pour avancer tout, partout là-bas, tous les derniers parties où Christ est mort et ressuscité, pour que ce soit facile. Mais même avec cela, vous aurez à travailler, pas vrai? La Bible déclare dans le Matthieu chapitre 23, verset 67 que Jésus dit, après trois jours, je ressusciterai. Après. Donc il a dit, après trois jours. Après il dit, en trois jours, donc c'est dans l'intervalle. Donc ça veut dire clairement, c'est dans l'intervalle fermé de trois jours. Ça ne peut pas être plus de trois jours, ça peut être moins de trois jours. Si on examine deux versets additionnels dans l'évangile de Marc, nous obtenons les preuves des paramètres de Jean 2 et Matthieu 27. Lisons Marc chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita. Mais c'est quand même curieux. Où dormez, frère? Trois jours après. Vous avez ça, n'est-ce pas? Oui. Qu'il ressuscita trois jours après. Vous y êtes? Donc trois jours, il va ressusciter. Et souvenez-vous que si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, et le chapitre 13, la Bible est claire quand l'apôtre Pierre a appliqué la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il parle de David qui a dit que tu ne permettras pas à ton bien-aimé de voir la corruption. Il dit qu'il me soit permis de dire que le patriarche David, après avoir fait son temps, c'est que le destin de Dieu est mort et que son sépulcre est parmi nous. Mais c'est de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'il a prouvé ainsi en disant qu'il ne permettra pas que son bien-aimé voir la corruption. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que la corruption entre au-delà de trois jours. Et c'est ce qu'il a dit dans ce livre des Psaumes chapitre 16. D'accord, frère? Ah, c'est merveilleux, tout simplement. Donc, la Bible de Jérusalem est utilisée plutôt après trois jours. S'il a été enterré tard le vendredi après-midi, comme nous avons fait ici, le frère Séverin, il est tellement dépassé. C'est moi qui regarde maintenant comme ça. Il est dépassé, le cougar se dérange. On m'a toujours dit que le cougar se dérange, n'est-ce pas, frère Séverin? Donc s'il a été enterré, mais attends, c'est quand même curieux, les femmes sont en train de diminuer au fur et à mesure. Ça a commencé là-bas derrière, une, puis deux, puis trois. Ça ne les laisse pas, n'est-ce pas? Après, vous venez vous poser des questions. Si quelqu'un pose des questions qui a travaillé avec ça, il dit que l'année suivante. Ou bien on vient vous consulter. S'il a été enterré dans le vendredi après-midi, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il est resté tard l'après-midi du lundi, pour que ça fasse 72 heures. Nous sommes d'accord? Voilà. C'est simple comme quoi? Bonjour. Finalement, si l'on ne lisait que ces versets sans tenir comme des autres, le mot après ne limiterait donc pas le temps de soin à 72 heures. La durée pourrait être plus longue, mais pas moins longue. Cela devrait être clair. Nous sommes maintenant prêts à lire Matthieu, Marc au chapitre 9, verset 31. Ils le feront mourir et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Trois jours après. Donc il va falloir qu'il fasse trois jours. Et que ce soit, dès que trois jours arrivent, il quitte. 3 jours après, il ressuscitera. Mais c'est quand même terrible, pas vrai? Il sera mis à mort. 3 jours après, il ressuscitera. Et l'apôtre Pierre Paul nous a dit dans ce livre de 1 Corinthiens 15, nous avons lu verset 3, que j'ai reçu selon les Écritures, qu'il a été mis au sépulcre, enseveli, et qu'il est ressuscité 3 jours, selon les Écritures. C'est pas terrible ça? Alléluia. Voilà. Le mot 3 jours est tritos. Que signifie troisième? On devait donc lire, comme dans certaines versions anglaises, après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Donc c'est le troisième jour, comme l'apôtre Paul a dit ça en 1 Corinthiens 15, qu'il a été ressuscité le troisième jour. Amen. C'est la traduction correcte là-bas. Donc, ce verset nous présente une autre limite sur le temps que Christ a passé dans le tombeau. Le maximum pourrait être de 72 heures, mais le minimum pourrait être de 48 heures. Ici aussi, si le verset devait être conservé sans tenir compte des autres, c'est pour ça qu'il faut prendre tout le verset ensemble. Parce que je dis que le troisième jour, ça suppose que si le troisième, dès que le jour arrive, on s'appelle le matin, il peut se ressusciter. Il peut ressusciter. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas comme ça. Ça va faire 48 heures. Oh, il doit passer 3 jours, dont 3 clartés et 3 noirceurs. Donc, ça arrive, pam, il quitte. Comme je dis, lorsque on dit 24 pour le crédit, si on a commencé à 21h00 cette année, ces jours-ci, 21 exactement l'autre fois, ça fait 24 exactement. Et donc, si vous avez même 5000 à l'intérieur que vous n'avez pas utilisé, ça quitte. Vous voyez? Quand, par exemple, vous faites le code pour l'appel du matin jusqu'à minuit, là. Quand ça arrive à 0,0, ça quitte totalement. Même si vous avez 48 000, ça va, ça devient 0. C'est ainsi. On avance, frère. Yes. Donc, si ce verset devait être conservé sans tenir compte des autres, la résurrection devrait avoir lieu tard, après l'après-midi du dimanche, et pas plus tard que l'après-midi du lundi. Le moment de la résurrection, on doit voir cela. D'accord? Quel est donc enfin le moment de la résurrection? Le fait suivant devrait être clair. Le moment exact, l'heure où le Christ a été placé dans le sépulcre, devait coïncider avec l'heure exacte où il a quitté le sépulcre. Ça devait être un peu plus clair. Donc, il est mort à quelle heure? Il est mort à 15. Donc, il doit rester à 15h. Donc, si il est mort à 15h et qu'on a mis au sépulcre dans le 15h-15h30, donc donnons l'intervalle 15h-18h. Parce qu'on donne l'information qu'il est mort, il a expiré 15h. On l'a mis dans le sépulcre avant 18h parce que le sabbat arrivait. Donc il est dans l'intervalle 15h-16h. C'est dans cet intervalle qu'il doit ressusciter, pas le matin. C'est aussi simple que bonjour. Amen. Nous devons donc établir le moment exact où il a été placé dans le tombeau. De cette façon, nous saurons exactement quand il a quitté. Autrement dit, quel que soit le moment du jour, du matin, de l'après-midi, du soir, où il a été mis au sépulcre, ce serait le même quand il en sortira. Frère, ça se comprend? Alors qu'il était sur la croix, après la 9e heure, c'est-à-dire que Jésus s'écria, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, verset 40 à 50. Vous pouvez également lire ça dans Marc chapitre 15, 34 à 37, et Luc 23, 44 à 46. Et il expira. Luc 23, 44 dit quoi? Ajoute également, il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. C'est ce qui est écrit. Voilà. La 6e heure est 6 heures après le lever du soleil, ou bien midi. Ce qui fait de la 9e heure 15 heures. Ces événements ont eu lieu le jour avant le sabbat. Vous avez remarqué, le sabbat. Le jour appelé la préparation. Les notions sont très importantes parce que c'est ici la pierre d'achoppement. Maintenant, je vais verser le sac maintenant pour vous saisissez. Le sabbat dont la Bible parle n'est pas le samedi. Le sabbat dont on parle dans la Bible n'est pas le samedi. C'est ça le vrai problème. Il faut que je laisse d'abord doucement que ça coule dans vos veines. Et puis j'avance. Le sabbat c'est comment? C'est quand déjà normalement? Le sabbat hebdomadaire c'est samedi. Mais le vrai problème, c'est que les gens avaient leur notion tordue avec le cerveau, ont cru qu'il y a seulement le sabbat hebdomadaire. Il y avait des jours spéciaux. Il y a des sabbats qui peuvent tomber mercredi. Donc, qui peuvent tomber jeudi, vendredi, des sabbats. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Voici la pierre. Je vous ai dit que voici la pierre. Parce qu'il faut savoir quand il est mort. Puisque quand vous lisez la Bible, vous entendez, on parle du sabbat. Le sabbat, quand le sabbat s'approchait. Et c'est là le vrai problème. Quand on voit le sabbat, les traducteurs ont compris que c'était un samedi. Et donc, nous allons aller dans la Bible, vous allez voir de vos propres deux yeux qu'il ne s'agissait pas de samedi. C'est ça qui a créé la confusion. Parce que quand on a dit que c'est sabbat, on a compris que comment on a dit que c'est avant que le sabbat n'arrivait, ils ont placé ça vendredi. S'ils ont placé ça vendredi, ça ne colle pas, ils devaient savoir que quelque chose ne va pas. Vous savez, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que le sabbat, après c'est le sabbat. Puis on dit que c'était le sabbat est appelé la préparation. C'est ce qu'on va lire dans la lutte des gens. Car c'était la préparation. C'est ça, n'est-ce pas? On dit que ces jours, c'était un grand jour. Les samedis ne sont pas des grands jours, c'est le jour ordinaire. Dans l'Ancien Testament, on va aller dans les détails, on va voir ce qu'on appelle le grand jour. Vous allez voir de quoi il est question. C'est ça, on dit que c'est écrit noir et blanc dans l'œil des gens, que c'est sabbat. Ce sabbat était le grand jour. Alléluia. Donc il y avait en réalité deux sabbats. L'un qui coïncidait un autre jour et l'autre un samedi. Donc il y avait deux sabbats à la mort du Seigneur Jésus. Et là, la pierre d'achèvement est poussée. Nous avons établi que Dieu compte les jours d'un soir au matin. Frère, si vous avez sommeil, mettez un peu de l'eau fraîche sur vos visages pour être sûr. C'est quelqu'un qui se lève, l'enseignement c'est vraiment important. Mais, s'il vous plaît, dormez. Les choses vont en découler. Parce que souvenez-vous, c'est à cause des de péchés qui est pardonné, mort et ressuscité. Voilà, donc on va attendre les frères pour que les frères puissent se laver le visage avant que nous venions. L'enseignement c'est vraiment important. Vous voulez boire le café? Non, oui, ne prenez pas d'excitation, vous allez résister comme ça. C'est vrai, je suis pour le café. Ça va? Le sabbat. Shabbat. C'est pour cela que quand il prêche contre les abattus, certains jeux, je dis que vous êtes dans les salles droites. Il dit que je respecte le sabbat, mais quel sabbat? Il y a au moins 7 sabbats dans la Bible là-bas différents. Il faut les respecter toutes. Je respecte le sabbat. Lorsque vous allez lire l'ancien testament, comme on va le dire, lorsque vous entendrez, vous ne ferez aucun ouvrage civil. Vous reposerez, vous ferez rien, sachez que c'est un sabbat. Automatiquement, Dieu n'a pas besoin de dire que c'est un sabbat, parce que le sabbat, c'est ce qu'on fait le jour-là. D'accord? Nous allons lire quelques sabbats dans Lévitique, au chapitre 23, au chapitre jusqu'au chapitre 26. C'est pour cela que vous n'avez pas lu la Bible entièrement et travaillé. Faites attention, n'ayez pas abordé cette notion. Surtout lorsqu'il s'agit des choses qui sont mélangées dans la culture juive-là. Ne vous aventurez pas là-dedans. Lorsque vous allez voir, vous allez voir. Donc normalement, je vous explique en attendant, quand vous entendez les pains sans levain, il y en avait 7 jours, le premier était un sabbat, le septième était un sabbat. Vous savez ça? Voilà. Et remarquez bien que lorsque vous lisez la Bible, voyez, Jésus dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. La Pâque et la période des pains sans levain coïncident, toujours. Parce que la fin de la Pâque, c'est le début des premiers jours du pain sans levain, qui est un sabbat. Mais c'est terrible. Et ça peut tomber n'importe quel jour, hormis le fait que le samedi est fixe. Ce jour peut tomber n'importe quand, comme vous voyez comment les 14 Nissan varient. Cette année, le 14 Nissan tombe le 22 avril. L'année prochaine, ce sera le 31 avril. Là, en 2019, ce sera le 10 avril l'année prochaine, en 2017. En 2018, ce sera le 31 mars. Vous voyez comment ça se passe non? Donc il peut arriver maintenant que le 14 Nissan tombe un jour de sabbat, même un samedi même. Donc c'est que Paul dit dans Colossiens de l'homme, vous avez dit que quand on ne juge pas sur vous, au sujet d'une nouvelle, oui. Des sabbats. Il parle de sabbat. Il parle du sabbat. Du sabbat, voilà. Parce que s'il y avait du sabbat, il devait parler de ce sabbat. C'est des sabbats. C'est différent de sabbat. Alors je vous montre ceci parce que vous aurez des problèmes avec les musulmans. Vous allez prendre les musulmans, vous allez là étudier. Je dis qu'il y a des notions que je vais toucher avec vous ici. Là. Je vais toucher, ne répondrez pas. Je vais vous laisser, si vous n'avez pas de cheveux comme le frère Henri, ça va pousser. Si vous avez des cheveux qui sont noirs, ça va devenir blanc. Avec cette notion-là, je vais vous les laisser seulement, tout simplement comme ça. Comme je fais avec nos frères Achille. Frère Achille, déjà. Je vais vous laisser avec cela. Et quand il dit, posez les questions, vous ne posez pas les questions. Il dit, moi, je vous en pose. Si vous posez des questions, vous avez dit de répondre à ma propre question. Et pourtant, quand vous posez pour moi, je réponds. Donc, lorsque nous abordons la Bible, il faut faire attention. Un musulman va vous prendre, vous dites que jusqu'à ressuscité. Il dit quoi, la résurrection? Paul a dit que la preuve, c'est la résurrection. Donc, il fait 3 jours, non? Il te pose tout simplement la question de vendredi à dimanche. Ça fait 3 jours, tu dis non. Il dit, dans ce cas, quelle résurrection crois-tu? Celui-là qui nous a appelé quand on venait ici, il a dit ça à la radio. Il dit, Paul a dit que la résurrection c'est 3 jours. Il dit, oui, je le voyais venir. Avant qu'il touche n'importe quoi, c'est où je connais exactement tous les coins que le musulman peut toucher pour la Bible. Et il les attend toujours là-bas. Il dit que ça fait 3 jours, il dit que de vendredi à dimanche, ça fait 3 jours. Il dit, qui t'a d'abord dit entre toi et moi que c'est vendredi qu'il est mort? Il dit, comment le conseil que toi tu sors d'où? Il dit, tu vas voir que je suis une autre personne différente. Il dit, si tu veux comprendre, au jour qu'il est mort, viens t'asseoir, te montrer que ça fait 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il prend tout le monde pour le catholique, quoi que, comme tout le monde croit à ça, c'est tout le monde qui croit. Et alors, là, il peut prendre les pasteurs sur les antennes, les balancer, pour le prêtre les balancer. On voit comment le prêtre bégaye, comment il dit des choses inconsistantes, parce qu'ils ne sont pas consistants avec l'écriture. Vous voyez? Si je tiens la main, il dit que pour avancer, je n'ai pas dit que c'est le vendredi. Dis-moi combien le sabbat tu de la Bible. Comme tu as trop lu la Bible. Si il sait que le sabbat c'est samedi, il va relire ta Bible. J'ai fait ma Bible comme ça. Et que le jour où tu connais tous les sabbats, tu viens. Vous voyez, quand il connaît tous les sabbats, il vient, il s'assoit. Je lui dis, ok, maintenant, il y a un autre sabbat. C'était entre deux sabbats que Jésus est mort. Compte la maison, il fait trois. Il dit, maintenant, repends-toi. Alléluia. Mmh. Voilà. On avance là. Mmh. On a vu que un jour, pas du coucher du soleil, du coucher du soleil, parce que le soleil se couche à 18h. Pour à l'autre, n'est-ce pas? Lisons Lévitique chapitre 23, verset 32. Souvenons-nous qu'on a lu Genèse, chapitre 1, lorsque nous avons vu les notions des jours et des nuits. Il a dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fait. Oui. Lévitique chapitre 23. Et dans cette Lévitique particulièrement, on parle des différentes fêtes. Et les sabbats. Tout est mis là-bas. Lévitique chapitre 23. Quand vous prenez la Bible, vous voyez que j'ai écrit en rouge, en bleu, en indien à l'intérieur. Je mets les signes, j'envoie les choses là-bas, vous ne savez pas pour rien. Parce qu'à l'instant où je prends, il y a des notions que j'ai mises sur le sabbat seulement. Je connais exactement les versets, tous les versets qui parlent du sabbat là-dedans. Si vous partez prendre les concordances bibliques, vous donnez les sabbats que vous voulez. 23 de Lévitique, chapitre 23 de Lévitique, verset 32. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au jour suivant, vous célébrerez votre sabbat. Vous cessez l'espoir, chapitre 22, 23 de Lévitique. Au verset 32. Je suis dans la Bible là, dans la Bible, vous voyez. Ce sera pour vous un sabbat. Quand on aura le temps de lire ici. Bien, prenons à partir du verset 23, d'accord, pour aller doucement. Donc, le verset 23, 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, vous y êtes, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son de trompette et une scène convoquée. Voilà un sabbat. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ceci n'est pas un samedi. Il a travaillé le septième mois. Le premier jour du mois, c'est un sabbat. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le septième mois, le premier jour est un sabbat. Publié au son de trompette. Vous ne ferez, voilà le signe pour montrer que quand vous voulez détecter le sabbat, vous entendez ces mots. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous appelez cela Yom Kippour, n'est-ce pas? Vous aurez une sainte convocation, vous humiliez vos âmes. Donc, quand vous entendez le terme, humiliez vos âmes, ça veut dire que c'est le jeûne. Vous entendez cela? Quand vous entendez la Bible utiliser l'expression humiliez vos âmes, il parle du jeûne. Ok. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Donc, le dixième jour est un sabbat. Le septième mois. Ah, le premier jour comme sabbat, le dixième jour comme sabbat, d'accord, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Verset 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour là sera retranchée de son peuple, donc tu es obligé de jeûner. Verset 30, toute personne, je lis cela. Verset 31, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous avez vu cela? Ce sera pour vous un. Vous voyez, après avoir défini cela, j'ai affirmé même que c'était un sabbat, sans qu'on ait dit clairement que c'est directement que c'est un sabbat. Donc quand vous entendez cette terminologie, vous devez vous reposer. Faites bien pas faire une voix, c'est bien de parler du repos. Donc parce que tu restes tranquille sans rien faire, le Shabbat. D'accord? Voilà. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, vous voyez, pour arriver au 10e jour dont tu allais parler. Dès le soir du 9e jour, à partir du soir du 9e jour, vous avez vu, parce qu'on a le 9e jour, le soir d'atteindre, à partir de ce soir là jusqu'au jour de l'autre jour, voilà l'intervalle que le 10e jour, il y a un soir et il y a un matin, c'est fait jour 1. Ça va là? Ok. Jean chapitre 19 verset 42, qu'est-ce que ça nous dit? Dans Jean chapitre 19 verset 42, on dit que ce fut là qu'il déposait Jésus à cause de la préparation des Juifs. Mais c'est quand même terrible. Et le vendredi, les gens savent automatiquement que le samedi, c'est un jour de sabbat. C'est quand c'est une fête spéciale qu'on fait des préparations. C'est ça. Donc ça veut dire c'est pas la préparation pour le jour de sabbat, c'est le samedi. C'est un autre style de sabbat. Avançons seulement. La loi juive au verset 31 de ce que nous avons lu là, vous avez vu, n'est-ce pas? Vous y êtes? Jean chapitre 19, vous dites vous comme ça avec le sommet. Jean chapitre 19, verset 31. Jean chapitre 19, verset 31. Regardez. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour du sabbat était un grand jour. Vous avez remarqué? Ah mon Dieu, soulignez ça dans votre Bible. Vous remarquez ce qu'il y a dit là? Les samedis sont les samedis ordinaires. Un jour, il dit que ce style de sabbat, le sabbat qui avait lieu, on appelle ça quoi? Non mais c'est quand même que vous dormez ou quoi? Un grand jour. Ah là, voilà. Ouais, il recommence encore. Le verset 31 de Jean 19 dit, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat. Donc, le corps est mort, souvenez-vous ici. On a d'abord compris que l'erreur est venue du fait qu'on a considéré que le sabbat c'est samedi. Mm-hmm. Suivez attentivement. L'erreur est venue du fait qu'on a considéré que le sabbat c'est samedi. Mm-hmm. Et que c'était le soir de vendredi que Christ serait mort. Mm-hmm. Et en considérant comme ça, ça ne fait pas trois jours et trois nuits, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et ici, donc, la Bible a de nous définir que ce n'est pas n'importe quel sabbat. C'est un style de sabbat qui est un grand jour. Mm-hmm. Donc ça ne devait pas être le samedi. Parce que les samedis sont des samedis ordinaires. Donc il y a un style de sabbat. On va lire ça dans l'ancien testament, vous allez voir clairement comment il est dit. Donc, il dit, dans la crainte de, que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat, ce jour de sabbat était un grand jour. Les juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifix et qu'on les enleva. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors, au verset 42, vous voyez, regardez. Ce fut là qu'ils déposaient Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans l'intervalle de la soirée, on va y revenir. Dans l'intervalle de la soirée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il ne pouvait pas porter le corps pour aller loin parce que c'était la préparation. La préparation. Et remarquez le Saint-Esprit comment il écrit dans la Bible. Car c'était la préparation 1. Par rapport à ce que le sabbat était devant eux 2. Ce n'est pas le vendredi. Ce n'est pas le style du sabbat de vendredi, de samedi. C'était le sabbat qui est un grand jour. On a tout faux là maintenant. C'est pour ça qu'on est tombé dans le piège en croyant que, comme c'était vendredi, ils ont porté vendredi d'aller déposer le sépulcre parce que samedi arrivait. C'est pas ça. C'est, voilà les deux versets qui sont clairs là déjà devant. Nous allons regarder le pourquoi le problème est venu. Je vous ai parlé tout à l'heure. Dans la loi, les lois juives défendaient que les cadavres soient non ensevelis au début de tout sabbat, au jour saint. Rappelez-vous que Luc chapitre 23, verset 45 dit que Christ est décédé à 15h l'après-midi ou peu après, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il aurait été enseveli un peu plus tard, avant le coucher du soleil, je l'ai expliqué, donc avant 18h. Mm-hmm. Nous n'avons pas encore établi le jour de la semaine où la crucifixion a eu lieu. Parce que si on détecte le jour de la crucifixion, ça règle le problème. Toutefois, nos comparaisons et calculs précédents révèlent que Christ a dû se ressusciter après 15h l'après-midi du troisième jour suivant, quel qu'il en soit. Mmh. On est d'accord? Mmh. Voilà. Faisons maintenant un bref résumé. Rappelons encore que c'est le rôle du Messie de Christ qui est mis en jeu. C'est-à-dire, le ensevelissement et la résurrection doivent être conformes aux Écritures. C'est-à-dire à la prophétie de Jonas. De même que Jonas fit trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson. Mmh. De même, Christ sera trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre. N'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Donc, 72 heures. Autrement dit, il est, il est quoi? Un imposteur, un fraudeur. Et nous n'avons pas un sauveur comme lui. À moins que nous voulions annuler la parole de Dieu au profit de notre tradition, nous devons maintenant admettre qu'une grande tradition populaire s'effondre complètement. Il demeure néanmoins quelques questions honnêtes auxquelles il faut répondre. La crucifixion précédait le sabbat. Lequel d'un des sabbats? C'est cette question. Si on répond à cette question, le problème est réglé. Parce que le vrai problème, c'est ici. On dit que c'était un sabbat. Oh, le sabbat, c'est quand? C'est samedi. Ok, si c'est samedi, ça dit ça précédait. Donc ça dit le jour qui précède le sabbat, c'est vendredi. Mais alors, quittant le vendredi à dimanche, ça fait trois jours. Non. Donc il y a un problème au niveau du sabbat là. Souvenez-vous de Jean chapitre 19, verset 31. Ce sabbat là. C'est un grand jour. Frère, vous allez lire votre Bible. Vous allez comprendre pourquoi Abraham a écouté, il a porté la Bible. Tapé au sol comme ça, paf, que je suis au début. Alléluia. Nous devons maintenant établir le moment à partir duquel il faut commencer à compter 72 heures. Le signe donné par Christ. Pour faire cela, on doit tenir compte d'un sabbat. Mais lequel? Ne serait-ce pas là le nœud du problème et la raison pour laquelle les gens supposent que la crucifixion ait lieu un vendredi? N'est-ce pas, frère? Nous avons déjà établi à partir des quatre évangiles qu'il s'agissait du jour de la préparation. Jean chapitre 19, verset 14 nous explique que c'était la préparation de la Pâque. N'est-ce pas, frère? C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 19, verset 14. Regardez bien. Verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. Verset 14. C'était la préparation de la Pâque. C'est merveilleux tout simplement de voir l'écriture se dérouler. Oui, donc regardez. Christ s'est tenu devant Pilate, comme ça. Il est assis sur le trône pour juger Christ. Il dit, on dit que ces jours-là, c'était la préparation. Le jour-là, c'était la préparation de la Pâque. Initialement, lui, il a dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans et que le Fils de l'homme sera livré. Ah, je peux sauter, je peux courir là-dessus maintenant. Vous entendez cela? Il s'est tenu là-bas, on dit que c'était la préparation de la Pâque. D'où vient-il que quelqu'un vient dire que c'était la préparation pour ça le dire? J'ai écrit la main blanc, pas vrai? Je ne sais pas si vous le voyez dans le livre de verset 14 là. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la sixième heure, Pilate dit, voici votre roi. Vous avez vu? Regardez bien. Environ la sixième heure. Donc c'était aux environs de midi. Suivant cette lignée-là, il va dire, mais il s'écriait, verset 15, mais il s'écriait, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs leur répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenait. Donc, l'enlèvement des bavardages s'est déroulé entre midi, on a dit cela, entre midi et ce jour est appelé la préparation de la Pâque. On a dit là-bas que c'était la préparation. Il les a livrés que aller dans aux environs de midi. C'est-à-dire aller crucifier. Ils ont amené Jésus et aller crucifier. Comme c'était la préparation, on est tous aux environs de 15 et 18 heures. Ils ont pris. Donc la préparation de la Pâque. Pas de façon d'ici samedi. C'est la Bible là, ça va soit frère. Avançons. Tout le verset 21 poursuit en disant que ce jour de sabbat était un grand jour. Nous sommes là. Jean chapitre 19, verset 14 nous explique que c'était la préparation de la Pâque. Mais toutefois, le verset 31 de ce même Jean chapitre 19 nous dit quoi? Que c'était le jour de ce jour de sabbat. C'est que sabbat là, jour de sabbat, était un grand jour. D'accord? Ce n'est pas le sabbat qui est un grand jour. C'est le jour du sabbat, le jour que correspond ce jour de repos. Ce style de jour là où l'on se repose. Parce que sabbat, ça veut dire se reposer. Le jour là où on se repose, c'est un grand jour. Amen. Amen. Tout juif vous dira qu'un grand jour est un jour de fête et un jour saint annuel. Lévitique 23 décrit 7 de ces jours que la nation d'Israël avait l'obligation d'observer d'année en année. Une simple revue de ce chapitre, les versets 24, 26, 32 et 39, révèle que Dieu considère ces jours comme des sabbats. Nous avons lu ça. Notez que Lévitique 23, verset 2 réfère à ce sabbat en tant que fête de l'Éternel. Et qu'il dit que, voici quelles sont mes fêtes. C'est ce que Dieu dit dans ce Lévitique chapitre 23, verset 2. Dit à l'Éternel par là à Moïse en disant, parle aux enfants, voici mes fêtes auxquelles vous avez prescrit. Ce même verset les appelle les saintes convocations, ce qui signifie des assemblées commandées. Il le fait à la son au son des trompettes, n'est-ce pas? Ces jours saints ne tombent pas toujours le même jour chaque année, pas plus que les fêtes païennes que la majorité observe de nos jours. C'est ce que, comme par exemple, il dit que le 22 avril de cette année, moi, c'est le 14 Nissan. L'année prochaine, c'est le 10, ça va tomber le 10 avril. On est d'accord? Matthieu 26, verset 2, qu'est-ce que ça dit? Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Nous nous trouvons dans Matthieu, dans Jean, chapitre 19. L'apôtre, Pilate l'a effectivement livré. Vous y êtes? Pour être crucifié. Le Matthieu 23 nous montre que la Pâque était une fête, mais non un sabbat, pendant lequel le travail était défendu. Le travail était défendu les jours du sabbat. Mais la Pâque, pendant la Pâque, ce n'est pas un sabbat, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute que le Christ a été crucifié le jour de la Pâque. Donc il a été crucifié le jour de la Pâque. Vous y êtes? Je ne sais pas si vous savez. Normalement, vous devez sauter là maintenant. Souvenez-vous, le jour où l'agneau peut être crucifié, c'était la préparation de la Pâque. Le jour, et c'est le jour de préparation de la Pâque là, tombe donc, il y a un jour, un sabbat qui vient devant, qui est un grand jour, n'est-ce pas? La Pâque originelle est décrite dans le livre d'Exode chapitre 12. Un agneau était sacrifié et le sang de celui-ci était mis sur les linteaux des portes de toutes les maisons des Israélites. C'est ce sang qui a fait en sorte que l'ange de la mort est passé par-dessus. C'est le sens du mot Passover en anglais. Passer par-dessus. La paix, ça. Une maison en particulier, sauvant ainsi de la mort les premiers-nés de cette maison. La Pâque de l'Ancien Testament précédait toujours le sabbat annuel, aussi appelé le premier jour des pains sans levain. J'espère que c'est clair. Vous lisez le Marc chapitre 14, Luc chapitre 22, Matthieu chapitre 26, vous allez voir cela. Chaque fois. C'est là, je vous ai demandé de noter cela, je l'ai noté là, non, à l'entrée là. Marc chapitre 14, c'est noté, je vous ai demandé de relever ce verset, parce qu'on va y revenir. Vous voyez, j'ai dit le verset 23 jusqu'au 26, Matthieu 26. C'est pour ça que je dis, si vous avez lu cela, non, ce n'est pas là. La Pâque de l'Ancien Testament donc précédait toujours, toujours le sabbat annuel, appelé le premier jour des pains sans levain. C'est-à-dire, la Pâque allait le 14e. Ce jour de Pâques sans levain, après la Pâque, le jour de la Pâque, le premier jour c'est quoi? Donc, ça veut dire que le pain sans levain commence de quand? Le 15e jour, pour s'achever le 21e jour, n'est-ce pas? C'est 7 jours sur lesquels. Et le premier était un sabbat, le dernier c'était un sabbat. Et le jour de la Pâque, c'est le jour où Christ a été crucifié. Et ce jour-là est aussi le jour de préparation parce qu'il y a une grande fête qui est devant. Mais c'est quand même terrible. Il a été crucifié à Pâques. Il a été crucifié à Pâques parce qu'il faut qu'il soit crucifié le 14 Nissan. N'est-ce pas, frère? Il doit être crucifié le 14 Nissan. Et ce jour, il y a deux choses. Il y a en même temps la fête de la Pâque. Et ce jour-là, c'est des préparations à une grande fête qui est en train d'arriver. Et cette grande fête qui est le grand jour, c'est le début du jour où on n'a pas trouvé de pain sans levain durant 7 jours chez quelqu'un. Et ce jour-là, qui est le 15e, est un sabbat. Le sabbat. Le premier était un sabbat, le septième était un sabbat. Allons-y, vous me regardez comme ça, comme si j'étais le toutou. Allons-y, regardez les périodes, les pains sans levain dans la Bible. Dans notre Bible, vous me regardez comme ça. Je sais que c'est bizarre, pas vrai, frère, mais ça va aller. Ça va aller, d'accord. Hein? Lisons à partir du chapitre 23, d'accord. Il vient d'appartir verset 4. On avance. Voici les fêtes de qui? Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc nous comprenons que chaque fête a sa période. Tout à l'heure, nous avons lu qu'au 7e mois, il y a un style, n'est-ce pas? Le Yom Kippour, la fête des expiations. Verset 5. Le premier mois, nous sommes au mois de quoi? Le mois de Nissan, le mois d'Abib. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera quoi? La Pâque de l'Éternel. Voilà ce qui est noté. Et dans Exode chapitre 13, verset 10, il dit que cette fête-ci sera célébrée d'année en année. Vous observerez au temps fixé, au temps marqué. Donc, le 14, si le 14 tombe un dimanche, vous devez célébrer. Si ça tombe un lundi, ça varie. Alors, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Vous avez vu maintenant, non? Le 14e jour, c'est quoi? La fête des Pâques. Vous y êtes? La fête de la Pâque. Le 15e, c'est quoi? Regardez maintenant. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. À l'honneur de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, voici ce qui se passe. Nous sommes 15 jours. Supposons ce jour-ci. Nous sommes le 14. Donc, demain, si nous sommes sur le 14, demain, c'est le premier jour. Du pain sans levain, ça c'est une période de 7 jours. Le premier gong commence dans le 15. Et ce 15 donc là est un sabbat. Et par conséquent, comme c'est un sabbat, on doit se reposer, on doit préparer ce sabbat aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a deux événements, la Pâque et la préparation. Jean chapitre 19 encore. Jean chapitre 19. Je vais encore lire le verset 13, 14, puis le verset 31, d'accord? Courage, je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile. Jean chapitre 19, ne fermez pas les vitres parce qu'on va y revenir encore. Jean chapitre 19, verset 13 à 14 déjà. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, autre crucifié. Après, ils vont donner Jésus, que Jésus a été crucifié, n'est-ce pas? Le verset 31 qui parle de la mort de Jésus dit, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat. Vous avez vu? On n'a pas dit qu'il ne reste pas, que le corps ne reste pas pendant la Pâque. Parce que c'est à Pâque qu'il a été crucifié. Mais pour que le corps ne reste pas pendant le sabbat. Puis il dit, car c'était la préparation. On a dit ça ici au verset 14. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Vous avez vu, n'est-ce pas? Nous sommes allés au verset 42 aujourd'hui. C'est fut là qui déposait Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. La préparation des Juifs faisait, ils étaient en hâte parce que 18 est censé arriver. Parce que si 18 arrive, le 15 commence. Et ce sera un sabbat. Donc il faut qu'il fasse vite. Il le laisse, il quitte. Donc Christ est effectivement mort le 14e jour, entre les deux soirs, et il a été mis au sépulcre. C'est. Mais voici le problème, parce qu'il fallait identifier le sabbat dont on est en train de parler. Et Lévitique nous dit effectivement que le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Vous voyez la chronologie. Il y a un sabbat, il y a la Pâque, le 14e. Quand ça finit, le 15e, c'est le début des pains sans levain. Maintenant, il faut qu'on voie ici que c'est un sabbat. N'est-ce pas? Il continue en disant, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Regardez bien, soulignez ce qu'il écrit. On a dit quoi? Non, regardez, verset 7. Après, on a écrit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Deux points, vous ne ferez aucune œuvre civile. Donc, c'est un sabbat. Vous avez vu? Vous regardez maintenant, si vous allez au 7e jour, dans le 21, vous allez voir effectivement qu'il y a encore un autre sabbat qui est mentionné. Alléluia. Continuons la lecture, parce qu'on trouve cela. Verset 8, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne Vous avez vu? Dans le premier et le septième sont des sabbats. Vous avez vu ça, ma chère sœur? L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 10, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays de l'Égypte, dans le pays que je vous donne, et que vous y aurez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés, ainsi de suite. Verset 11, il agitera des côtés et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Amen. Amen. Donc nous avons compris que le jour de la Pâque, c'est le jour de préparation pour un sabbat. C'est ça? Et ce sabbat n'a rien à voir avec le sabbat hebdomadaire. Nous sommes d'accord? Ça commence à démystifier dans la chose. Donc il ne s'agit pas d'un vendredi. Déjà. Donc, parce que si c'est un vendredi, on va tomber nécessairement un samedi. Mais l'écriture a nous décrit que le 14, après le 14, il y a un sabbat. N'est-ce pas, mes chers? La part de l'Ancien Testament précédait toujours le sabbat annuel appelé le premier jour des pains sans levain. Ce jour était un grand jour célébré à chaque année le lendemain de la Pâque. N'est-ce pas? Nombre chapitre 28, verset 16, verset 10 dit. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. Vous avez vu? Cette fête était le premier jour des pains sans levain. Nous sommes d'accord? Donc, répondez pour que je sois sûr que vous comprenez. Le premier jour du pain sans levain tombe le 15e. Le 15e jour. Jésus a été mis à mort le jour même où l'agneau de la Pâque était sacrifié à chaque année depuis plus de 1500 ans, n'est-ce pas? Mentionnons que dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 16, il est dit clairement que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, il a été immolé conformément à la Pâque qui était dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste a appelé Christ quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte le péché du monde. Donc, il faut que ça soit conforme à l'image qui est présentée. Christ fut crucifié le jour de la Pâque. J'espère que vous voyez comment je mets l'emphase là-dessus. Christ fut crucifié le jour de la Pâque. Et ce jour constitue donc automatiquement la préparation pour le jour de la fête qui est devant. Au jour saint annuel. C'est ce que nous avons vu, non? C'est ce que Jean nous présente dans le verset 14 du chapitre 19 et le verset 31 et 42. Donc, ce jour-là constitue donc un jour saint qui devait commencer presque immédiatement après son ensevelissement. Parce que dès qu'ils mettent Jésus au tombeau, pape, ils entrent directement dans le jour de fête. C'est ça, mes frères. Tel que mentionné, les sabbats annuels peuvent tomber n'importe quel jour de la semaine. Les mardis et les jeudis sont les plus fréquents en ce qui concerne les pains sans levain. Jeudi est sans doute le plus fréquent et tout. En 36 ans, de 1998 jusqu'en 2033, inclusivement, le premier jour des pains sans levain tombe un jeudi 12 fois et un mardi 10 fois. Donc, si vous prenez le calendrier juif dans cet intervalle-ci, vous regardez chaque jour où il y a le 15, vous allez remarquer que jeudi va apparaître pour tout cet intervalle-là 12 fois. Amen. Et le mardi 10 fois. Tous les autres jours souviennent moins souvent pendant cette période. L'année de la crucifixion de Christ, selon le calendrier hébreu, la Pâque tomba un. Alléluia. L'année de la crucifixion de Christ Jésus, le 15e jour, était un Jésus. Amen. Amen. Ça va régler le problème de nous. Puis on va rentrer dans la Bible pour voir ce qu'il en est. Ça va. Donc là, si la Pâque tombe un mercredi, le 15e jour tombe quand? Jésus. Et donc, si on s'arrête donc ici, si Christ est mort mercredi en soirée, écoutez tout attentivement maintenant. Bon, nous comprenons que c'est il fallait détecter le sabbat, détecter le jour où il est mort. Si on détecte le sabbat, on va voir le jour où il est décédé. Il est décédé un mercredi, parce qu'on a dit que c'est le jour où on préparait cette fête-là. Il est décédé un mercredi. Et mercredi, on s'appelle entre 15h et 18h. C'est à détecter. Mercredi 15 et 18h. Jeudi 15h18h, ça fait combien? Un jour. Jeudi 15h18h, vendredi 15h18h, ça fait combien? Vendredi 15h18h, samedi 15h18h, ça fait 3 jours. Christ est ressuscité samedi dans l'après-midi. Ça veut dire dans l'après-midi 15h18h. Dans cet intervalle. Donc, le samedi, entre 15h et 18h, le Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau. Souvenez-vous, Christ est le maître même du sabbat. Souvenez-vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le shabbat. Vous avez lu ça dans votre Bible? D'où est-ce que ça sort dans dimanche? Qu'est-ce que dimanche a à voir comme sens spirituel? Pourtant, il est le maître du sabbat. De celui qui est mort. Pourquoi tu fais tes mains le jour du sabbat? Pourquoi tu fais le fils de l'homme est maître du sabbat? Il va accomplir le sabbat. Je réponds. Vous êtes où là maintenant? Qu'est-ce que vous en faites maintenant? Il veut chanter, non? Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur, je me sens bien là, pas vous. Mais peut-être, comme vous êtes fatigué, vous allez dormir, croire que c'est vrai, vous avez remarqué que Christ est resté par sa vie. Est-ce que vous pouvez penser à tout sauf à l'autre là, n'est-ce pas? Nous allons toucher maintenant pourquoi on dit les premiers jours de la semaine sont venus au sépulcre. Souvenez-vous, on n'a jamais dit qu'il est ressuscité le premier jour. On a dit qu'ils sont venus au sépulcre, ils ont trouvé que le tombeau était ouvert. On a dit, mais mon ami, vous cherchez les vivants parmi les morts, comment? On n'a pas dit qu'ils sont venus pour ça. La prise est ouverte, est sortie. Avant qu'il vienne, il était là ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme vous l'avez dit, il a ressuscité. Pourquoi ils sont venus très tôt le matin? Parce que le soir, le samedi, c'est un sabbat, il ne doit pas travailler, il faut attendre le soir. Et par contre, ils ont profité pour arriver le lendemain matin. Parce que ça veut dire vraiment c'est un sabbat. Il ne peut pas parcourir les distances de vie, mais ça va. Donc personne ne pourra aller vérifier. Christ est ressuscité tranquillement. Alléluia. Amen. Les frères, c'est échanté parce qu'ils chantent dedans. Il y a des discothèques, les vrais discothèques maintenant ici. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Christ n'est pas ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité dimanche. Il ne peut pas ressusciter dimanche parce que ça ne colle pas à aucune prophétie de l'Ancien Testament. Ouais. Christ Jésus est le maître des sabbats. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, j'ai chargé, je vous donnerai du sabbat. N'est-ce pas, frère Haché? Tout à fait. Amen. Lequel Jésus doit vous servir? Celui qui ressuscite dimanche, le maître du sabbat. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Le Fils de l'homme est maître de sabbat. Puis il dit, venez à moi, je vais donner du repos. Vous reposez le samedi. Venez, vous allez me trouver là-bas. C'est là où je vais me trouver. Vous donnez du repos. Le repos dont Dieu parlait là-bas, que nous qui croyons entrons dans ce repos. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Nous voilà. Voilà notre Christ, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on en fait là maintenant? Et j'ai laissé la partie ici exprès. Parce qu'il y a quelque chose. Non, je vais parler pied d'achoppement dès le départ. Pied d'achoppement. Quelque chose qui est présenté. Vous voyez la chose enclatée. Vous voyez quelque chose qui semble être bizarre. Maintenant, nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Frère, achetez-moi le verset 1. Le verset 1 seulement. Lorsque le Seigneur Jésus eut achevé tout le discours, il dit à ses disciples. C'est le verset 1. Le chapitre 26. Oui. Allons-y encore. Verset 2 maintenant. Vous savez que la Pâque a eu lieu dans deux jours. A lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Verset chapitre 27, verset 1 aussi. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ton conseil contre le Seigneur Jésus. Mmh. Pour le faire. Mmh. Chapitre 28, verset 1. Vous avez remarqué comment il est pris, n'est-ce pas? Mmh. Chapitre 28, verset 1. Regardez bien. Écoutez attentivement. Vous souvenez qu'on a dit qu'il y avait un préparatif des sabbats. Mmh. Puis ils ont dit qu'après le sabbat, nous sommes au chapitre 28, Christ est d'abord ressuscité. Regardez bien. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine. Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Vous avez vu? Après le sabbat. Après le sabbat. Après le sabbat. Donc ils sont allés après ça, le samedi. Qui est le samedi? Ils sont allés le premier jour de la semaine pour voir. C'est là où ils ont trouvé que c'était ressuscité. Ce passage a un problème et a une solution en même temps. Donc on comprend ce qu'on a compris. En lisant, on comprend qu'ils sont allés tout dimanche matin. Mm-hmm. On n'a pas dit qu'ils sont restés dimanche matin. En allant dimanche matin, on a vu qu'ils étaient ressuscités. Mm-hmm. Mais on lit quelque chose. Voici le livre de Matthieu. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les choses que les gens ont fait avec la Bible vont en rendre compte. Je vais lire dans la version Ferrand-Fenton. Ferrand-Fenton, c'est l'une des versions les plus âgées par rapport à ce que vous avez là. Regardez bien, vous lisez ce passage-là. Dans le livre de Matthieu, c'est pour ça que j'ai ouvert ça ici ainsi. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 25, let me take the last verse of chapter 15. Vous voyez, on écrit avec l'ancien anglais, c'est avec la même qu'on a écrit. Vous voyez. Donc regardez. Ça c'est Marc ici là maintenant. Je vais dans Marc. Oh là là. Permettez-moi de trouver le dernier chapitre. Vous allez voir quelque chose. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 dit qu'il y a des gens qui connaissent ces choses aussi. Oh. Maintenant, venez vous tous ici. Il dit c'est terrible ce qui puisse arriver. Donc ça c'est la version Ferrand-Fenton. D'accord. Voici Matthieu, le chapitre 28. Ça commence ici. Chapitre 28, comme on dit, voici le verset 1, voici le verset 2, regardez. Je veux que vous voyez dans votre version d'abord ce qu'on écrit. On dit. Après le sabbat. À haute voix. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sabbat. Maintenant, regardez bien ceci. Cette version-ci, avec cette version, je vous lisais, ça vous comprend effectivement qu'il y avait un problème. Regardez. Mm-hmm. After the sabbat. De le sabbat. Les sabbats. Vous avez vu, il y a un problème. Donc en réalité, il y avait un grand jour qui était un sabbat, un autre jour qui était un petit sabbat. Mm-hmm. Donc si ceci, les gens avaient bien traduit, on devait savoir qu'il y a un sabbat qui précédait l'autre sabbat, mm-hmm. qui était le sabbat. Si vous avez vu, after the sabbat, towards the dawn of the day following the sabbat, mm-hmm. Mary de Magdalene, and the other Mary came to examine the tomb, and a violent earthquake was then felt. for the angel. Donc, je voulais montrer que le sabbat est au pluriel. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas un seul sabbat quand vous êtes crucifié. Veuillez vous asseoir bien aimé. Mm-hmm. Alors, maintenant, venez, il y a quelque chose. Venez. Venez vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a un là-bas. Remarquez qu'il y a un là-bas. Voyons ce que c'est un dit. Vous voyez que la personne qui avait écrit ça avait la clé. Voyez, il n'était pas encore dans la théologie comme les autres. Un là. Chapter 27, verse 32. Evidently, an early note of transcription and not a part of the original text. Ça, c'est là-bas. Non, c'est pas ça. C'est ici. Mm-hmm. The Greek original is in the plural. Tu as vu? Mm-hmm. Donc, la personne, c'est quand on a traduit ça en anglais, ils disent que l'original grec est au pluriel. Mais comme les gens qui ont les écoles, les têtes tordues, qui ont voulu tordre, ils savent que le samedi, ce samedi, comment ils sont au pluriel? On a écrit ça au pluriel. En traduisant en français, on a mis ça au singulier. Mm-hmm. Pourtant, l'original grec est au pluriel. Mm-hmm. Regardez. Sabbath, which is written. Reader should remember that all the 7 days of the Paschal week were Sabbath in the old Hebrew calendar. C'est Ferra Fenton qui a écrit comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que vous en dites, mon cher? Christ est ressuscité quand même. Samedi, entre 15h et 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, c'est que le frère Paul nous avait dit donc que nous devions examiner en voyant qu'il prêche la même chose, ça, c'est exactement la chose. Ce que Christ a, Paul a reçu, c'est ce que les apôtres ont reçu, c'est ce que les gens ont dû prêcher jusqu'à ce que les théologiens viennent avec leur interprétation où ils peuvent dire que pourquoi on a mis S ici, j'enlève S. Pourtant, dans l'original, c'est S. Quand la personne qui a écrit le livre de Luc, de Matthieu, écrit avec S, il sait pourquoi elle a mis écrit S. Quelqu'un en écrivant aujourd'hui change, il ne met pas S. Pourtant, même sans S, on comprend qu'il y avait deux sabbats. Mm-hmm. Parce que l'explication de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament montre clairement. Parce que s'ils sont partis le premier jour de la semaine, c'est à la veille, c'est le lendemain du jour du sabbat hebdomadaire. Et on fait dire effectivement qu'il y avait un autre sabbat, grand jour, le 14e jour, qui préprécure. Voilà. Et on n'a pas dit que c'est un sabbat hebdomadaire qui était le grand jour. Mm-hmm. C'est un jour ce qui est le 15e. Donc, et le 15 est différent de ce jour hebdomadaire. Ça devait être clair. Mm-hmm. Yes, c'est ça. Frère, avec courage. Maintenant, c'est entre vos mains. Ou bien vous sortez, ou vous servez ce Jésus-Christ qui a voulu métamorphoser pour avoir l'étoile sur la terre. On l'appelle Sondé. Le Christ du Sondé. Le Christ du Sondé. Le Dieu Apollon. Le Dieu du soleil. Isis, Osiris, comme vous voulez appeler. Soit vous le servez désormais, ou vous servez Jésus-Christ qui donne le repos. Le Fils de l'homme est maître du sabbat, du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous donnez le repos. Pas étonnant qu'ils imposent le premier jour de la semaine que les gens adorent. Mm-hmm. Regardez combien ils le font. Combien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père vous soient multipliés. Mm-hmm. Des questions? Frère, Yuli, ça va? Tu vois que tu peux enseigner tes professeurs d'école de théologie maintenant, avec les crédits, tant que tu es resté là. Tu vois que tu peux les enseigner, tu parles, tu vois les enseignants, ils vont dire que tu es encore sorti d'où. Mais tu ne passes pas par là-bas. Et c'est clair qu'en voyant ça, on voit que ça colle à tout ce que Dieu avait dit, même quand il avait fixé la Pâque au sorti de l'Égypte. De l'Égypte. Justement. Parce qu'il dit que la loi devait être démolée entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Et si on prend le nombre de jours, oui. Christ est ressuscité aussi entre la période des deux entre soirs. Entre la période des deux soirs, doucement, clairement. Frère, Alléluia. Amen. Je vous aime. Frère, c'est vrai, ça va. Je n'avais jamais. Je viens de vous dire que je vais respirer. Je suis content. Tu es content, frère. Je regrette les autres jours que je n'ai pas été là. Et tu m'as toujours vraiment regretté parce que ce qu'on a touché, ça lève les cheveux. Ouais. Mm-hmm. Ah, tu ne le fais pas. Mm-hmm. Mais tu peux venir en journée, tu bois ça là, tu suis. D'accord. Cher. Oui, tu peux prendre ton nom, je vais te mettre ça en maison. Comme ça, tu vas te concasser la tête à la maison seule. Tu vas te mettre ça pour te mettre la tête. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité le dimanche. Il est ressuscité un samedi en soirée. Sois une joie éternelle. Tu es merveilleux, Seigneur. La force de nos âmes, c'est toi, Seigneur.